Kourou, le 9 avril 1968, a lieu le premier vol. Alors nous étions bien loin de s'imaginer que ce vol serait le premier d'une longue série qui n'est pas prête de s'arrêter dans ce qui est devenu la CSG. La CSG, c'est une plateforme bien équipée pour plus en plus de vols. Toi l'employé, au meilleur de ta forme, t'as cotisé, mais franchement, c'est du vol. C'est quoi cette histoire? Depuis ce jour où un étrange gourou a mis à jour cette cotisation, bien tous les jours à Paris, à Kourou, la nuit, le jour, à Marseille, à Lyon, on n'en peut plus, nous les contribuables et nous les buralistes, taxi, patron, tous mis à nu. Franchement, c'est plus vivable, c'est toujours plus, on nous ponctionne à fond. En fait, oui. J'ai un doute là, parce tu as parlé de... Du CSG. Le CSG. En fait, c'est pas du tout la CSG. Non, c'est pas la CSG. Ah, excusez-moi. Donc voilà, du coup, je comprends mieux le rapport avec le thème de l'espace. D'accord, bon, on va qu'on s'arrête. Autant pour là, moi. Effectivement, d'accord. Xavier. Merci. Et tu m'avais pas mis au courant, hein, pour de vrai, je savais pas du tout sur quoi il allait nous lancer. Bon, c'est pas grave, on est retombé sur nos pattes avec le Centre Spatial Guyanais. C'est une porte vers l'espace, bien sûr. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a 15 jours, un bel événement, c'était le 100e lancement d'Ariane 5. Et aussi, surtout, peut-être même, le 300e lancement pour tous les lanceurs d'Ariane Espace. C'est-à-dire Ariane, tous les Ariane, bien sûr, toutes les Ariane, Vega. Et puis aussi le lanceur Soyouz, lanceur russe, mais qui est aussi tiré depuis le CSG, depuis le Centre Spatial Guyanais. En tout, ont été envoyés dans l'espace 207 satellites pour 68 clients différents. Et en tout, ça représente une masse de 790 tonnes envoyées dans l'espace. Ce qui fait dire au président du CNES, Jean-Yves Le Gall, tout simplement, Kourou, le CSG, c'est la meilleure base spatiale au monde. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Voilà. Et en fait, il a des raisons de le penser. On va voir ça tout à l'heure. Ceci étant dit, c'est vrai que c'est des très beaux succès, mais il ne faudrait peut-être pas se reposer sur ses lauriers. Parce que le port spatial de l'Europe doit répondre aux défis d'Ariane 6. Ariane 6 qui arrive dans les prochaines années. Il va falloir réduire les coûts de lancement, y compris les coûts au sol, hein, qui concernent directement le CSG. Alors à quoi ressemble une campagne de lancement et la vie sur place, quand on est expatrié, qu'on vit sur place ou qu'on vit là-bas en général? Quel rôle joue le CSG dans la vie de la Guyane? Et vous allez voir que c'est vraiment important et tout à fait étonnant que ce rôle-là. Comment est conçu le pas de tir d'Ariane 6? On va en discuter avec vous, bien sûr. Je vais vous passer le micro. Vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants dans quelques instants. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Bernard Azéma et Pierre Guilhem. Bernard Azéma, Pierre Guilhem, merci beaucoup de votre présence. Est-ce que vous voulez bien prendre un micro, Bernard Azéma, et nous dire qui vous êtes? D'abord, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venu. Moi, je suis en fait, j'étais pendant 6 ans le sous-directeur en charge de l'administration et la gestion du patrimoine du Centre Spatial du CNES au Centre Spatial Guyanais. Et je suis revenu, donc après 6 ans d'expatriation en Guyane, je suis revenu depuis quelques mois à la direction des lanceurs du CNES, où je m'occupe des interfaces entre le Centre Spatial Guyanais et la direction des lanceurs. Et je suis en quelque sorte aussi un peu le représentant du directeur du CSG sur la métropole. Donc le représentant du Centre Spatial Guyanais en métropole, c'est vous, hein, et vous connaissez bien, vous avez vécu donc 6 ans, comme vous venez de le dire, comme sous-directeur en charge de l'administration et de la gestion du patrimoine du CSG. D'un mot, le patrimoine, c'est quoi? Parce que quand on parle de patrimoine, on a l'impression que c'est les vieilles pierres, les vieux bâtiments, ce genre de choses-là. Mais... C'est. C'est aussi des vieilles pierres. Ben, le patrimoine du CSG, c'est tout un patrimoine technique, et ça, Pierre pourra en parler tout à l'heure. C'est le patrimoine des pas de tir, des ensembles, de tous les ensembles de lancement, des ensembles de préparation aux charges utiles. C'est aussi un complexe industriel, le CSG, hein. C'est des usines de propergol, c'est des usines d'oxygène et d'hydrogène liquide. Mais ce qu'on ne connaît pas aussi, c'est que c'est un patrimoine hors base. Et le patrimoine hors base, c'est des terrains agricoles. c'est un hôtel. C'est les îles du Salut, qui appartiennent aussi au CSG, et qu'il faut aussi gérer. D'accord, donc beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et puis à votre côté, Pierre Guilhem. Bonjour, bon appétit pour certains. Donc je travaille moi à la direction des lanceurs comme Bernard. Et je suis donc chef de projet sur tous les ensembles de lancement. Je me suis occupé il y a pas mal de temps déjà de l'ensemble de lancement Vega. Là, j'ai fait la conception. J'ai également fait la conception et suivi la réalisation de l'ensemble de lancement Soyouz. Et depuis 4 ans, je m'occupe de l'ensemble de lancement Ariane 6, où j'ai dirigé l'équipe de conception. Et maintenant, je dirige l'équipe de réalisation qui est à l'œuvre sur le Centre Spatial Guyanais. Alors pour qu'on comprenne bien, un ensemble de lancement, c'est nous ce qu'on appelle vulgairement un pas de tir, mais c'est en plus les bâtiments autour. Hein. C'est plus large que le pas de tir, mais voilà, pour donner l'idée de ce que c'est matériellement. Alors on va de suite remettre les choses au point. On ne parle pas de pas de tir dans le domaine du spatial. Soyons clairs. Le pas de tir est réservé au domaine militaire. Dans le spatial, ça s'appelle un ensemble de lancement. Et donc ce sont les installations qui sont dédiées à la fois à l'intégration du lanceur. Alors, l'intégration, c'est-à-dire l'assemblage. Alors, l'assemblage, voilà, puisque le lanceur est composé, je pense que la majeure partie d'entre vous savent qu'un lanceur est composé de plusieurs étages, avec différents process d'intégration suivant la nature du lanceur. Et donc, les moyens dédiés à cet assemblage et la zone dite de lancement, qui permet de faire, comme son nom l'indique, le lancement. Voilà. Pour compléter ce que dit Pierre, on a l'habitude de dire entre nous que le sol, parce que nous, ce soir, on parle d'espace, mais nous, on va vous parler de tout ce qui est à terre, hein, on va vous parler du sol. Hein. Le sol, c'est l'étage zéro du lanceur. Voilà. Exactement. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est là d'où tout part. Meilleure base spatiale au monde, c'est quoi cette histoire? C'est vrai ou est-ce que Jean-Yves Le Gall se laisse un petit peu aller, là, le président du CNES? Non, je pense que c'est vrai. Alors, je ne vais pas contredire mon président devant tout le monde, mais je pense que c'est vrai. C'est une base, d'abord, qui est idéalement placée. Elle est proche de l'équateur, donc pour les lancements géostationnaires. Donc, on a un gain par rapport à ce qui se passe en Floride ou en Russie. C'est 50 km de côte directement sur la mer, donc on n'a pas de problème de sauvegarde des biens et des personnes. C'est une zone, Kourou est située dans une zone où il n'y a pas de cyclone. Où il n'y avait pas de tremblement de terre, même si on en a connu quelques-uns, des petits, mais il n'y avait pas de tremblement de terre non plus. Et puis, c'est des installations qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont vraiment rodées, avec 3 lanceurs, des méthodes et des procédures qui sont vraiment très, très bien réglées. Et puis, il faut ajouter une chose aussi, c'est aussi l'accueil de la Guyane. Et je pense que les clients qui viennent au CSG sont contents de venir en Guyane parce qu'il y a un accueil particulier. Ouais. Nos équipes au CSG ont l'habitude de recevoir tout type de clients, que ce soit des Américains, des Coréens, des Saoudiens, et de s'adapter un petit peu à leur culture aussi pour adapter nos campagnes de lancement à leur façon d'être aussi. Et ça compte. Et ça compte. Et ça compte. Cet univers de la Guyane avec sa forêt tropicale, c'est vraiment très, très dépaysant hein, quand on est là-bas. Ah oui, ça, c'est dépaysant. Hein. C'est les climats équatoriales. Hein. On est à 5 degrés nord. Donc c'est une saison des pluies, une saison sèche, c'est un fort taux d'humidité qui contraint d'ailleurs nos amis de la technique à avoir des procédés spécifiques pour les bâtiments. Mais bon, c'est aussi un pays très chaleureux, c'est un pays, quand on y a été, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier, absolument. Regardons la page 3 là, si vous voulez bien, vous avez un petit livret là sur vos tables, regardez la page 3, là il y a des demoiselles qui n'en ont pas. Si vous pouvez le en passer, voilà, excellent. Donc page 3, c'est intéressant de regarder la position très favorable, parce que là, vous avez dit, voilà, on est près de l'équateur, etc. Mais attendez, il faut que vous nous expliquiez tout, là. Il faut qu'on comprenne. Position de l'équateur, et alors, je ne vois pas le rapport. Oh, c'est relativement simple, je pense que beaucoup de personnes s'y connaissent. En fait, on bénéficie, en étant le plus proche de l'équateur, on bénéficie de l'effet de fronde. Ouais, puisque le diamètre de la Terre est le plus important vis-à-vis de la rotation de la Terre. C'est le point avec la vitesse angulaire la plus importante. On a déjà, en fait, au moment du décollage, on a déjà une impulsion, en fait, que par exemple n'ont pas les Russes à Baïkonour ou les Américains ou encore moins, enfin, à Plesetsk notamment, qui est encore plus haut. Donc ceci nous permet. Alors donc l'équateur est important pour ça. Alors l'équateur, soyons bien d'accord. Hein, si je suis sur un manège, que je suis près de l'axe du manège qui tourne, ma vitesse est moins importante que si je suis loin de l'axe. Hein. Et donc ouais, là, c'est ce qui se passe à l'équateur. Je suis donc je bénéficie loin de l'axe de la Terre, d'une vitesse supérieure. Voilà. Si par exemple, si je lance mon Ariane 5 à Baïkonour, je vais moins vite. Donc il faut que j'emporte plus de carburant pour. Je vais consommer davantage. Combien de Est-ce que vous avez une idée de combien je vais consommer en plus? Ouais, je vais consulter Google là parce qu'il commence fort là. Non, je sais pas vous dire, mais je sais pas vous dire en termes de pourcentage, mais c'est clair qu'on perd, on perd de la performance. Ouais. Donc, Surtout que ça se traduit, on perd de la performance, donc en termes de charge utile, en termes de kilos emportés. La charge utile, c'est le satellite. Satellite. Alors, donc on a très bien compris l'équateur. Ensuite, là, vous m'avez dit, on peut tirer au nord, on peut tirer à l'est, c'est formidable. Je vois pas. Moi, j'ai envie de tirer au sud. Pourquoi vous m'embêtez avec le... J'ai envie de tirer à l'ouest. Racontez-moi là. Non, on tire d'abord avec des azimuts qui nous permettent de passer sur des zones non habitées pour limiter les risques de retomber en cas d'incident, de retomber d'éléments du lanceur sur des populations par exemple. Donc il faut être dans le désert ou près d'une côte où il n'y a pas beaucoup de trafic. C'est mieux. Les Russes, ils sont au Kazakhstan, hein, donc il n'y a rien autour. Les Américains sont sur les côtes aussi. Hein, voilà. Ce qui a été déterminant dans le choix de la Guyane. Ça a été déterminant dans le choix de la Guyane. On pourra en reparler peut-être tout à l'heure, mais ça a été déterminant dans le choix de la Guyane. Et après, c'est important vis-à-vis des orbites visées. C'est-à-dire que quand vous lancez un satellite qui est en orbite, enfin qui va aller sur une orbite géostationnaire, donc on appelle ça une orbite, il passe d'abord par une orbite GTO, hein, une orbite de transfert. Donc en fait, on tire plein est, de façon à ce qu'on bénéficie, parce que ces satellites sont installés sur l'équateur de la Terre, à 36 000 km, et donc on est dans le bon azimut. Quand on fait des satellites, bon azimut, c'est-à-dire la bonne direction. Bonne direction. Quand on fait des satellites qui partent en SSO, Sun Synchronized Orbit. Donc c'est l'orbite héliosynchrone. Héliosynchrone, voilà. Donc ils tournent en fait autour des pôles. Donc là, effectivement, on vise plein nord. Là, on a bien compris. Après, là, c'est sûr, quand on veut qu'il passe au-dessus des pôles, il faut tirer au nord. Voilà. D'accord. Et après, vous avez des orbites LEO, ou des orbites un peu atypiques, hein, donc où on tire en gros à 45 degrés. D'accord. Donc là, c'est formidable ce qui se passe. Alors, si vous êtes très content là, avec vos 102 degrés, là, si je prends le dessin. Là, vous êtes heureux comme tout. C'est parfait. C'est parfait. OK. D'accord. Et alors, quand on disait que c'était une base assez impressionnante, 98% de réussite avec Ariane 5, c'est un beau chiffre. Oui. Ouais. Oui, c'est un chiffre excellent. Je pense que la base... Enfin, le lanceur a un taux de fiabilité extraordinaire, Ariane 5, hein, qui en fait le lanceur le plus sûr de sa catégorie. Et la base a un taux de disponibilité également très, très élevé. Et sur les 6 ans que j'ai vécu, moi, en Guyane, sur plus de 60 lancements, on a eu 0 report lié au moyen de la base. Les reports qu'on a eus, c'était des reports soit sur un petit problème lanceur, soit de la météo. Mais tous les moyens de la base ont toujours été disponibles pour le lancement au J0. Et ça aussi, c'est important pour les clients, parce que c'est une assurance un peu plus forte de partir au jour J. Alors regardons un petit peu la page 2, là, par exemple. On peut regarder d'abord la couverture. La couverture, d'abord. J'ai choisi cette image parce que je crois qu'on voit pas forcément exactement la base, mais au moins on voit où on est, quoi. Hein. Donc autour, c'est vraiment la forêt. Alors autour de Kourou, c'est plutôt la savane. Hein. La savane, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est installé là aussi, puisqu'on avait des kilomètres carrés de savane qui nous permettaient d'installer la base spatiale. Donc la savane, ça veut dire quoi? C'est des buissons. C'est des buissons, c'est de l'herbe, des hautes herbes qu'il faut tourner souvent d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc on est plutôt sur la frange côtière, qui est la frange côtière de la Guyane, qui est la frange habitée aussi, hein, puisque c'est la moins hostile aussi. Tout le reste, 95% du territoire guyanais. C'est la forêt. 95% c'est la forêt en Guyane, ouais. Voilà. Donc là, l'image que vous montrez, on est vraiment typiquement, on voit ce qu'on appelle une crique. Donc c'est un bras de rivière et le début de la forêt, mais. Bon, on est quand même dans la savane. Hein. Alors ça, c'est de la petite forêt, parce que quand on va en Guyane, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des routes, évidemment, et sur les côtés, il y a une forêt, mais qui paraît vraiment absolument impénétrable. On se dit, si je veux aller me promener, là, c'est impossible. Il faut la machette, là. Hein. Il faut la machette. Ouais. Il vaut mieux avoir un guide, Saramaca ou Amérindienne, si possible. Mais, c'est la forêt. C'est la forêt équatoriale, avec tout... tous ces charmes, toutes ces frayeurs qu'elle peut nous procurer également, et toutes ces découvertes. Ah ben quand on n'est pas habitué, ça peut. Vous êtes fait des frayeurs vous-même ? Ah ben oui, hein, quand on croise un anaconda sur qui pend sur une branche d'arbre. Ah oui. Bon, la première fois c'est un peu impressionnant. Caïman. Caïman, ouais, d'accord, ouais, voilà. D'accord. Donc la page 2, alors on voit l'entrée, hein, tout simplement. Vous pouvez nous décrire un peu ce qu'on voit ? Oui, je vous en prie. Je tombe la veste. Guilhem, vous connaissez bien aussi le climat tropical ici. Vous y vivez ou vous, combien de temps est-ce que vous vivez là-bas dans l'année ? Je n'y vis pas. Je n'y vis pas. C'est tout simplement par obligation professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, le métier se fait en base arrière. On a notre activité qui est divisée en deux. Base arrière, en fait, où sont gérés les projets, et puis ensuite la base avant, qui est vraiment la base opérationnelle. Donc, par contre, je m'y rends en ce moment tous les mois, une semaine par mois, pour suivre l'activité sur l'ensemble de lancement Ariane 6. Alors, si, je ne sais pas si on a bien compris, mais vous avez conçu le pas de tir, enfin, pas mal de pas de tir, pardon, ce n'est pas le pas de tir, c'est évidemment l'ensemble de lancement, hein, mais c'est juste pour qu'on se comprenne bien. Donc, l'ensemble de lancement 4, le LA4, qui va permettre de tirer Ariane 6. Alors, l'entrée, là, en page 2, vous pouvez nous décrire, c'est vraiment comme ça qu'on est accueilli, hein, on arrive au CSG. Oui, alors ça, c'est plutôt le centre technique. Donc, en fait, ça, c'est l'entrée du centre spatial guyanais. On arrive, on a mis un joli globe qui on a mis en évidence tous les pays d'ailleurs qui participent au financement du centre spatial guyanais. Hein, donc le globe à gauche, c'est sur un rond-point à l'entrée du centre, qui est en fait la zone là qui est accessible au public. Jusque là, c'est accessible au public. Après, on rentre en zone contrôlée. Alors, à droite, c'est l'accueil, n'est-ce pas ? À droite, vous avez l'accueil, voilà, le bâtiment d'accueil. Et alors, on a un Ariane 5 qui est juste là ? Et nous avons une maquette à l'échelle 1 d'Ariane 5. Ah, c'est une maquette. Voilà. D'accord. C'est vrai que parfois, des gens, des visiteurs qui arrivent, qui disent « Ah, mais la lanceur est déjà sur le pas de tir. » On a de la chance, il est sur le pas de tir. C'est une maquette. Mais c'est une maquette à l'échelle, hein, effectivement. Oui. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et donc ça c'est tout. Et dans l'arrière-plan, c'est ce qu'on appelle le centre technique, parce que en fait la base de lancement est divisée, on va dire, en deux grosses parties. Une partie qu'on appelle la base de lancement, avec le centre technique où sont toutes les équipes du CNES, du CSG plus les sous-traitants, et une partie ensemble de lancement avec les ensembles de lancement Vega, Soyuz, Ariane et les usines de production. Donc on a vraiment deux parties distinctes, avec des accès qui sont contrôlés avec des droits d'accès qui sont différents, évidemment, hein, puisqu'on est sur un site Céveso 2. Donc, Céveso 2, donc très contrôlé. On considère qu'il y a des risques. Il y a des risques. Parce que quoi ? Parce que vous avez des matières inflammables. Parce qu'on produit de la poudre. Il y a de la poudre. De l'oxygène liquide. De la poudre, c'est de la poudre pour mettre dans les boosters. Hein, donc c'est explosif, évidemment. OK ? Quoi d'autre ? Oxygène, hydrogène liquide. Oxygène, hydrogène liquide. Quand ça se rencontre, ça explose aussi. Voilà. Ouais. Et puis on a des opérations dangereuses qui se déroulent sur la base quand on remplit les satellites avec leurs propres ergols. Leurs ergols, c'est leur carburant. Il faut tout traduire. Avec leur carburant. On va tout traduire ce soir. D'accord. Voilà. Ok, parfait. Les opérations qui sont très très dangereuses, ouais, où nos ergoliers, ce qu'on appelle les ergoliers, qui effectuent les opérations de remplissage des satellites, ressemble plus à des cosmonautes, on va dire, qu'à des pompistes. Hein. Ouais, c'est ça. Pierre Guilhem, on va parler quand même de cette ELA4, là. On le voit, page 13, peut-être qu'on peut aller directement en page 13. Donc, c'est l'ensemble de lancement 4 d'où va être tiré Ariane 6. Ça, c'est une photo à jour ? Ça, c'est une photo qui a environ, on va dire, un mois et demi. Bon, allez, moi, j'appelle ça à jour. Là. On va dire à jour, oui. D'accord, d'accord. Et donc, aujourd'hui, on a cet ensemble de lancement qui est en cours de construction. C'est le gros chantier, là, en ce moment, sur la base de Kourou. Hein. Alors, on a démarré ce chantier il y a 2 ans, exactement. Donc, c'est un chantier qui est de taille assez impressionnante, parce qu'on n'a jamais conçu un ensemble de lancement, enfin en particulier une zone de lancement de cette taille-là. La zone de lancement, c'est vraiment... C'est ce que vous voyez ici, voilà, sur l'image, en fait, en page 13. Donc en fait, qui est composé d'un... Ce qu'on voit au premier plan, c'est la table de lancement, donc en fait, qui n'est pas là positionnée dans sa position finale. C'est une espèce de cube jaune. C'est un cube jaune, en fait, métallique, donc à travers lequel nous allons avitailler le premier étage du lanceur. Avitailler. Bon, avitailler, remplir. Remplir. Voilà. Donc, oui. En fait, Bernard parlait d'ergolier. Là, en fait, on a une super station de service automatique, puisqu'on vient à travers ce gros cube métallique qui pèse 700 tonnes. Hein, ça fait 700 tonnes. Donc, on vient en fait avitailler l'étage inférieur du lanceur. Donc le lanceur va être positionné là-dessus. Il est positionné dessus, ouais. Effectivement. Et donc, il reste, lui, sur place. Hein. Il reste sur place. D'accord. Alors, j'expliquerai après peut-être la façon dont on va assembler le lanceur. Voilà, c'est ça. Mais une fois qu'on a positionné ce premier étage sur cette table de lancement, on vient le connecter en hydrogène, en oxygène liquide. Et donc, on peut procéder au remplissage. Donc, tout se fait, évidemment, de manière automatique et contrôlée à distance. Donc, ça, c'est un objet, évidemment, principal. Il n'y a personne, hein. Il n'y a personne au moment de remplissage. Il n'y a personne. Ouais. Toutes les opérations sont contrôlées à bonne distance de sécurité. On est sur un établissement, on est sur un ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, Seveso 2. Donc on doit assurer avant tout la protection des personnes, puis des biens et puis des populations alentour. Donc on gère tout à distance. Donc ça, c'est un des objets principaux. Le deuxième objet, donc, c'est le massif de lancement. Donc, la table de lancement est positionnée sur un massif de lancement. On le devine à peine, il est gris. C'est la partie en fait, qui est en structure béton. C'est en dessous de la table de lancement. Qui est en dessous, voilà. Donc, ouais. En fait, lui, quand on aura terminé le projet, on ne le verra pas. Il sera complètement enterré. Et seuls vont émerger les deux grandes structures que vous voyez de part et d'autre de la table, qu'on appelle des carnots. Ces grandes structures en béton, voilà, l'espèce de grand bras. De grands tunnels. Qui font à peu près 180 mètres de long et qui permettent en fait d'évacuer les gaz de combustion au moment du décollage le plus loin possible du lanceur et qui ont aussi une autre fonction, c'est d'éviter que les nuisances sonores générées par l'allumage des moteurs, des boosters, hein, ce qu'on appelle les ESR sur Ariane 6, en fait ne viennent perturber à la fois le lanceur et surtout la charge utile. Donc en fait, c'est une protection acoustique en fait, que l'on met en place pour protéger le lanceur et charge utile. Donc on évacue la chaleur de cette manière-là par ces grands tunnels. Hein, donc on va avoir plein de fumée et de chaleur qui va être dégagée par ces deux grands bras, d'une part. Mais c'est aussi les vibrations qu'on veut éviter. Vous dites des vibrations acoustiques, c'est-à-dire que c'est du bruit. Et le bruit, il faut bien se rendre compte que ça produit des vibrations réelles, ça fait vibrer. Ça vous tuerait. Ça me tue, voilà. Ça vous tuerait. Rien si que le bruit. À proximité, ça vous tuerait. Donc en fait. Et de quelle manière est-ce que je serais tué? Excusez-moi, ça m'intéresse. Ben vous serez. Je serais quoi? Disloqué à l'intérieur. Disloqué de l'intérieur, voilà. D'accord, disloqué merci. Disloqué de l'intérieur. D'accord. Donc en fait, pour atténuer ce bruit, donc on a d'une part ce dispositif, mais on a un deuxième dispositif qui est un déluge. Donc en fait, on envoie 1000 mètres cubes en 30 secondes. 1000 mètres cubes, ça fait quel... Donc pour ça, on a construit un château d'eau, vous le devinez à peine sur la droite de l'image. C'est cette tour, une grande tour. Là. Exactement. Donc en fait, il est équipé au sommet d'un réservoir qui fait 1200 mètres cubes. Il est équipé de ce qu'on appelle une conduite forcée, c'est-à-dire que ce qu'on peut retrouver sur les barrages de montagne pour produire de l'électricité. Et en fait, c'est une conduite qui fait 2,50 m de diamètre. Et donc on l'ouvre... Pendant 30 secondes et on déverse, évidemment on attend que le lanceur ait décollé, hein, et donc on déverse sur la table de lancement à peu près l'équivalent de ce que je vous disais, 1000 mètres cubes, donc sur la table de lancement et aussi sous les moteurs, de façon à venir casser le bruit au moment du décollage. Là aussi c'est casser les vibrations sonores. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Donc le deuxième, ensuite l'autre objet principal de cette photo, c'est la grande structure métallique que vous voyez en arrière-plan, donc on appelle un portique mobile. Donc en fait, cette grande structure métallique, alors déjà, elle est assez... je pense qu'on peut le dire, parce que c'est une structure qui est unique au monde, c'est-à-dire qu'elle roule, hein, elle fait l'équivalent de un tiers du poids et de la hauteur de la tour Eiffel. C'est-à-dire un qu'elle tiers fait, du poids et de la hauteur de la tour elle Eiffel. Elle fera à terme, elle fera à peu près 7000 tonnes. Et elle fera 100 mètres de haut. En plus, elle sera sur roulette, ce que n'est pas la tour Eiffel. Voilà. D'accord. Donc on peut faire un tour de manège aussi. Pas mal. Voilà, elle sera sur roulette. Très fort. Donc cette grande structure, en fait, nous sert à plusieurs choses. La première chose, c'est d'accéder, de permettre l'accès aux opérateurs aux différents niveaux du lanceur. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? Oui. Parce qu'en fait, là, la structure est ajourée, hein, mais à la fin, évidemment, ce sera complètement embardé. Ce sera fermé, hein, ce sera isolé, une espèce de bâtiment qui exactement. Pourra rouler. Exactement. Ouais, on ne voit pas la différence entre un bâtiment. Ben, vous avez, sur les photos précédentes, vous avez C'est la page 10. En page 10, vous avez ce qu'on a réalisé sur Soyouz. Donc en fait, c'est voilà, au final, ça donne ce genre de bâtiment. Celui-là est beaucoup plus petit. Il est 8 fois moins important que celui d'Ariane 6. Et donc page 10, c'est intéressant parce qu'il y a quand même les deux images. Donc oui, effectivement, c'est Soyouz, évidemment. On reconnaît en plus le système là, en pétale autour du lanceur. Donc à gauche, on voit le portique qui est tout près. On voit qu'il aurait pu accueillir à l'intérieur le lanceur. Le lanceur était à l'intérieur du bâtiment. Et on voit à droite que le bâtiment s'est rétracté, a roulé finalement pour se reculer. Donc effectivement, c'est une opération qu'on fait en plus dans les derniers instants, enfin à H0 moins 8 heures. Donc, d'enlever le bâtiment. À J0. Enlever le portique. On enlève le bâtiment et à ce moment-là, on peut commencer les pleins. Ah. C'est-à-dire qu'on ne remplit pas le lanceur sous portique. D'accord. Ouais, alors sur Ariane 6, sur Soyouz, bon, les Russes, prennent des libertés. Ils prennent quelques libertés. Bon, ça se fait à la Russe. Ça fait rire Bernard Azéma. Ça se fait à la Russe, quoi. Ça a l'air bon signe. Mais bon, c'est leur façon de faire. Enfin bon, voilà. Donc on retire ce portique. Donc je disais premier. C'est-à-dire que si ça explose, il y a le portique qui explose avec, quand même. C'est un peu ça, oui. D'accord. C'est un peu d'accord, ça. D'accord, d'accord. Ouais. Mais c'est un peu ça. Mais ils sont sur deux. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ils sont sur deux. Ouais. Donc en fait. Non, mais bon, voilà, la technologie du lanceur n'est pas la même, quoi. Donc ensuite, on a. Ces portiques nous servent à ça, donc permettre l'accès aux différents niveaux du lanceur. Il faut savoir que le lanceur. Différents niveaux, c'est-à-dire les différents étages. Hein. Différents étages, ouais. Il fait 60 mètres de haut. Donc il faut pouvoir accéder à différents niveaux, les boosters, l'étage cryogénique inférieur, le supérieur et enfin la charge utile sous sa coiffe. Donc la charge utile, c'est le satellite. Là, on est bien d'accord qu'une fois que le lanceur est sur place avec son satellite, donc il y a évidemment le portique qui est là, on peut travailler énormément. Et ensuite, au moment du remplissage, à moins 8 heures avant le lancement, hop, là, tout le monde s'en va et le portique s'en va. Exactement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un ratissage. Donc en fait, on a des équipes dédiées. Peut-être tu peux en parler. C'est moins 8 heures pour Soyouz, c'est moins 5 heures pour Ariane 5. Ah oui, pour Ariane 6. Ah, 8 heures, Ariane 6, bon, oui. En fait, avant cette opération-là, on a des équipes, on fait ce qu'on appelle le ratissage. Alors le ratissage, il est effectué au sol par la Légion. Par là ? La Légion étrangère. La Légion étrangère, voilà. Ils sont combien les légionnaires ? Ils sont sur place, hein, ils ont leur bâtiment. Ils sentent le sable chaud. Pardon ? Ils sont beaux, ils sentent le sable chaud, mais ils ne suivent pas le pianiste. Donc. Donc la Légion est là depuis 1973. Hein. Elle a accompagné quasiment toute la vie du CSG. Elle est arrivée de Diego Suarez à Madagascar. Elle est arrivée au CSG pour la protection de la base spatiale. Aujourd'hui, la Légion a d'autres missions. Hein. Elle a en particulier la mission, ce qu'on appelle la mission Harpy, qui est la mission de protection des frontières et de lutte contre l'orpaillage clandestin. On pourra en reparler si vous voulez. L'orpaillage clandestin, oui. Ouais, on pourra en parler plus tard. Donc la Légion fait un ratissage avec nos équipes de sécurité, c'est-à-dire qu'on vérifie qu'il n'y ait plus personne dans la zone dangereuse, proche du lanceur. Et donc on évacue, s'il y a des gens qui sont là, on évacue tout le monde. Sur distance ? Alors la distance de sécurité, on a quasiment toute la base qui est sauf le CDL et les sites d'observation. Sauf les sites d'observation du public, qui sont à quelques kilomètres le plus proche est à 4 km du pas de tir. Donc le plus proche poste d'observation, c'est Toucan, c'est à 4 km. 4 km 5 du pas de tir. Ariane 5. Ariane 5, c'est vrai. Les autres sont une dizaine de kilomètres. Donc tout est ratissé pour qu'il n'y ait personne. On fait des contrôles aussi par... Hélicoptère. Hélicoptère, aérien. Toute la zone est libérée de toute présence physique, en fait. Bon, bientôt, on utilisera des drones aussi, je pense. Ah, des drones, oui, d'accord. On en parlera peut-être dans le CSG du futur. Est-ce qu'on a fait le tour de notre ELA4, Pierre Guilhem ? Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais une image qui était un peu plus rapprochée, mais je ne sais pas si elle dit tellement plus que... Hein, c'est la même, oui. Ouais. C'est la même. C'est page 14, on voit la table de lancement et puis les carnots de façon un peu plus rapprochée. Alors, vous avez commencé il y a 2 ans, vous terminez quand? On termine dans 1 an. Oui. Donc l'objectif, c'est de livrer tout l'ensemble de lancement dans 1 an. Donc on s'est mis en dispositif pour terminer à cette échéance. Donc toutes les entreprises sont là pour terminer ce travail, et nos équipes également côté CNES, puisque nous allons, durant l'année 2019, dérouler ce qu'on appelle les essais de qualification. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a installé tous nos systèmes d'avitaillement, comme je disais, de remplissage du lanceur, de contrôle, de tous les moyens, en fait, on les teste tous ensemble. Et donc ces opérations-là prennent quelques mois, et de façon à pouvoir livrer après cet ensemble de lancement à notre client, qui est l'Agence Spatiale Européenne. C'est l'Agence Spatiale Européenne qui finance? C'est le payeur. C'est le payeur. Voilà, donc c'est lui qui est ce qu'on appelle le maître d'ouvrage. Donc c'est le décideur, c'est celui qui fait le cahier des charges. Hein. Et là, c'est le CNES qui est maître d'œuvre. Comment ça se passe? Alors, dans le cas particulier, celui qui réalise le cas particulier des moyens sols, on est vraiment dans une particularité, puisque dans le monde des lanceurs aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne est maître d'ouvrage, et elle passe directement des contrats à l'industrie, en particulier Ariane Group, pour la réalisation du lanceur. Pour les moyens sols, parce que nous avons, nous, le CNES, une compétence quasiment unique au monde. Il est modeste, mon collègue, mais c'est une compétence quasiment unique au monde. L'ESA passe un contrat au CNES pour la maîtrise d'œuvre de la construction des ensembles de lancement. Okay. Et je dois dire aussi, parce que Pierre ne l'a pas dit, c'est aussi un record quand même, le pas de tir, l'ensemble de lancement ELA 4, Ariane 6, en si peu de temps, puisque vous avez commencé les terrassements il y a trois ans. Ils sont partis de la savane. C'était la savane, ouais. Après des études archéologiques, après des études environnementales, ils ont démarré les terrassements, et en 3 ans, ils vont livrer un ensemble de lancements qui va être prêt à faire les essais, et on espère ensuite accueillir le lanceur pour ce qu'on appelle les essais combinés. Les essais combinés, d'accord. Bon. Voilà, le sujet, c'est le CSG. On a encore plein de choses à se dire. Vous n'avez même pas raconté la campagne de lancement, comment ça se passe, comment est la vie là-bas. Et c'est absolument passionnant, ce microcosme là-bas. C'est les populations, quand on se promène à Kourou, à Cayenne, on entend des langues, une foule de langues, et certaines qu'on ne reconnaît absolument pas d'ailleurs, enfin moi pas en tout cas. C'est une diversité extraordinaire. C'est passionnant ce qui se passe là-bas. On a plein de choses à se dire encore, mais j'ai envie de vous passer le micro, si vous avez envie de discuter directement avec Bernard Azéma ou Pierre Guilhem. Ça y est, t'es parti Xavier, c'est bon? Ah. Il était beau, il était chaud, il sentait bon le sable chaud, mais je me suis encore pris un râteau. À chaque fois que je cours après lui, il n'est jamais vraiment dispo, toujours à Kourou avec son râteau. Il doit être en train de ratisser la savane, probablement, pour préparer le LA4. Oui. Bonsoir, merci. Je voulais poser tout de suite une question qui fâche. Quand on dit... On dit les lanceurs européens sont chers, certains disent qu'ils sont trop chers, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont chers par rapport à d'autres. Et on dit aussi que la base de lancement y est pour quelque chose. Est-ce que vous savez à quel point Kourou serait plus cher? Est-ce qu'il y a des raisons de l'être? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour baisser les prix de l'opération de la base de lancement? Alors, la base de lancement... Non, je ne pense pas que la base de lancement soit chère, parce que quand on compare les effectifs qu'il y a, par exemple, à Baïkonour pour un lancement Soyouz, moi, je n'en ai pas vu, Pierre en a peut-être vu, mais... Il y a quand même un nombre fabuleux de personnes, en particulier des militaires qui sont là pour les lancements. Aux États-Unis aussi, je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux. D'ailleurs, Jean-Yves Le Gall n'arrête pas de le dire, et je pense qu'on en est fiers de ça. Hein. C'est qu'on est quand même une base spatiale on tourne avec 1700 personnes, production comprise. Donc en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le coût du lancement, la Guyane représente, enfin ce qui se passe en Guyane représente à peu près une vingtaine de pourcents. Tout le reste, c'est la fabrication, c'est le lanceur, c'est la production. C'est pas la Guyane, c'est pas le, pas le centre spatial guyanais. Et à l'intérieur de tout ça, le poids du CSG, de la base, c'est-à-dire si on enlève les opérations qui sont directement liées au lanceur, le poids de la base, c'est à peine 2% du prix de revient d'une campagne de lancement. Donc je ne pense pas que ce soit la base qui grève les coûts de lancement. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a une concurrence... Donc ce n'est pas la base qui grève le coût de lancement, on est d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une concurrence qui est de plus en plus sévère. Hein. Je pense que tous les gens ici sont bien au courant, la concurrence des Américains, mais pas que. Il y a des pays émergents aussi qui risquent de nous faire mal dans peu de temps. Mais aujourd'hui, c'est surtout celle des Américains, de SpaceX et de Blue Origin qui nous préoccupent. Évidemment, il va falloir qu'on gagne sur la totalité des coûts de revient du service de lancement. Et dans les coûts de revient du service de lancement, évidemment, il y a la base. Et c'est pour ça que nous, on est en train de travailler en ce moment sur ce qu'on appelle le CSGNG, nouvelle génération, sur la base du futur, qui va nous permettre de réduire encore ces coûts, les coûts d'opération. On fait ce qu'on appelle du lean management. On est en train de regarder tout ce du lean management. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on regarde tout optimisé. Tout optimisé, regarder les coûts cachés, essayer de concentrer toutes les opérations, de les automatiser au maximum et pour pouvoir répondre à cette concurrence. Mais aujourd'hui, on peut pas dire, et je pense que personne ne le dit d'ailleurs, même nos concurrents américains disent que la base de Kourou est chère. Je pense que personne ne le dit. Monsieur le dit, apparemment. C'était sous forme d'une question. Monsieur le dit. Donc on ne sait pas. Certains en tout cas, disent, la réponse, c'est alors, non. Certains disent que... Certains disent, on peut rentrer dans le débat. D'accord. Certains disent que la base spatiale coûte cher parce qu'il y a un environnement social qui coûte cher. Ah oui. Alors c'est vrai que nous avons ce qu'on appelle une convention de site pour les salariés qui travaillent sur la base spatiale. Cette convention de site, elle régule en fait les relations sociales entre les entreprises et les salariés. Et elle régule aussi les salaires, les primes de lancement, les heures supplémentaires, etc. Parce qu'on ne fait pas 12 lancements par an comme ça. Hein. C'est des autres. C'est intense. C'est très intense. Oui. C'est très, très intense. On pourrait y revenir si vous le voulez, mais on n'a pas le temps de prendre des congés en Guyane. D'accord. Voilà. Donc l'activité est très intense. Donc automatiquement, il y a des compensations salariales. D'accord. Et cette convention de site, qui peut être décriée par certains, elle a aussi un effet très positif. C'est qu'elle régule toutes les relations sociales sur la base et elle permet justement d'avoir une certaine stabilité dans les relations et de prendre beaucoup moins de risques sur les opérations de lancement. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Si on avait des problèmes sociaux, on aurait des risques de grève. Des grèves, des choses comme ça, oui. Des grèves aujourd'hui, sur la base. Aujourd'hui bien que certains ont dû entendre parler des événements de mars-avril 2017, on n'a pas de mouvements sociaux liés à l'activité de la base. Oui. Il y a eu des grèves en Guyane, on va y revenir évidemment, hein, mais ce n'était pas lié au CSG lui-même. C'était les populations qui se... avec des grèves générales, etc. Un problème de la Guyane. Oui. Absolument, problème de la Guyane. OK. D'accord. Et le LA4, évidemment, il se fixe comme objectif. Pierre Guilhem, le LA4, il se fixe quand même pour objectif de réduire les coûts aussi. Oui, alors, nous, les conséquences directes de ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, on avait, au début du projet, on avait un driver, c'était faire moins cher qu'Ariane 5 et faire deux fois moins cher. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc les coûts, ce qu'on appelle les coûts, on appelle ça les coûts récurrents ou les coûts d'exploitation pour le sol, je parle bien pour le sol, donc pour l'ensemble de lancement, devaient être deux fois moins que ceux que l'on avait que ce que l'on a aujourd'hui sur Ariane 5. Donc ça a été avec le travail qu'on a fait en commun avec Ariane Group, parce qu'on a travaillé en commun avec eux pour concevoir cet ensemble, ça a été un leitmotiv de tous les jours dans tous les choix techniques que l'on a fait. Alors comment on fait? Alors concrètement, concrètement c'est simple, quand on est en début de projet et que l'on peut avoir, quand on a un panel de solutions qui permettent de répondre à un besoin, on chiffre tout. On chiffre tout, on compare. Alors pas seulement un chiffre. Par exemple, par rapport à Ariane 5, on a moins de bâtiments. Alors, on a moins de bâtiments. Donc alors, il y a un facteur d'échelle. Ouais. Effectivement, le premier élément sur lequel on s'est appuyé, c'est le facteur d'échelle. Ça, c'est facile. Ariane 5, aujourd'hui, il faut trois grandes zones pour assembler Ariane 5. Donc vous avez le BIL, donc le bâtiment d'intégration du lanceur, en fait, qui ne fait qu'assembler l'étage inférieur cryotechnique avec les deux boosters. Ensuite on passe au BAF, Donc on transfère ce bout de lanceur avec une table de lancement qui, elle, est mobile. Et donc on la transfère au BAF, donc le bâtiment d'assemblage final. Et donc au bâtiment d'assemblage final, on vient mettre le composite supérieur. C'est-à-dire le dernier étage. Le dernier étage et puis le satellite sous coiffe. Ouais. Et ensuite, on transfère cette table et le lanceur complet qui est connecté donc sur la table de lancement est équipée d'un mât ombilical qui permet de relier le lanceur à tous les futurs remplissages qu'il devra subir en zone de lancement. Donc on transfère cette table en zone de lancement et donc on a une troisième zone. Sur Ariane 6, on en a deux, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment d'assemblage alors, dont la particularité est qu'il est horizontal, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de ce qu'on a fait pour les Russes. Le bâtiment qu'on appelle le MIC, donc qui permet d'assembler le lanceur à l'horizontale. Les Russes, c'est le lanceur Soyouz, hein, qui est également lancé depuis Kourou. Voilà, le lanceur Soyouz, voilà. Donc on s'est inspiré de ça. On a donc un bâtiment comme ça est moins cher qu'un bâtiment de grande hauteur. Déjà au niveau construction, il est moins cher. Au niveau climatisation, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, au niveau opérateur, en fait, on n'a plus des grandes plateformes à différentes hauteurs. En fait, on peut travailler depuis le sol. Alors, avec quelques petits échafaudages, évidemment, mais c'est moins coûteux de travailler avec ce genre d'équipement. Donc, on a cette première zone. Et ensuite, on a une deuxième zone, qui est celle que vous avez sur les photos ici, avec à la fois la table de lancement qui est fixe. La différence avec Ariane 5, c'est qu'elle est fixe. On ne la bouge pas. Et ensuite, avec ce portique qui permet de pouvoir faire les opérations d'assemblage final. Parce qu'il y avait un problème sur Ariane 5, c'est que si on découvrait un problème un peu embêtant qui nécessitait une action sur le lanceur, alors que le lanceur était déjà en zone de lancement, donc sur le pas de tir, qu'est-ce qu'il fallait faire là ? Alors sur Ariane 5, on ramène le lanceur sur sa table au bâtiment d'assemblage final, au BAF. Ouais. Donc on perd des jours d'opération, on perd de l'argent. C'est des jours. Il faut savoir que les équipes de lancement, c'est 200 personnes environ, tout compris. Et donc, ça fait beaucoup, au final, d'argent perdu. Avec Ariane 6, on aura la possibilité de ramener très vite le portique sur le lanceur en cas de problème satellite, lanceur ou sol. Et donc, on pourra très rapidement intervenir sur le lanceur et repartir en chronologie quasiment 24 heures après, puisqu'on reprendra la fenêtre de tir suivante. Alors, on peut voir le BAF, c'est page 9. Voilà, donc il est sur la page 9. Vous avez en fait les deux bâtiments, vous avez les trois bâtiments principaux dont je vous parlais. En haut à droite, donc c'est le BIL. C'est le premier bâtiment. Excusez-moi, c'est le BAF. C'est le BAF aussi. Deux fois le BAF, d'accord. Et donc vous avez. D'abord, 1, 2, 3. Voilà. Donc, d'abord, on a le. Donc non, à gauche. Le BAF, c'est la même photo sur, le, c'est ça. Sur les donc, deux. Donc à gauche, sur les deux images. Le lanceur a fini d'être assemblé. Donc là, il est prêt à partir en zone de lancement. Et vous avez à droite, il est en train de partir. Il est en train de partir. Donc sur sa table de lancement qui, elle, est mobile, qui est tirée par un petit véhicule. Oui. On ne voit pas là sur le. Ouais. Et puis en bas à droite, on voit le lanceur qui est en train d'arriver sur la zone de lancement, là, sur le pas de tir. Exactement. Voilà, d'accord. D'autres questions ? Bonsoir. J'ai une petite question. Est-ce qu'un jour, on aura la chance de voir des spationautes décoller du CSG ? Et sinon, pourquoi ? Sinon, pourquoi pas ? Aujourd'hui, c'est pas la priorité aujourd'hui du CNES et de l'Agence spatiale européenne de faire décoller, partir des spationautes de Kourou. Aujourd'hui, on travaille plutôt sur des missions automatisées, robotisées, plutôt que sur l'homme dans une capsule. Donc, pour l'instant, c'est pas la priorité. Alors, je sais que ce matin, il y a eu un article dans la presse où Ariane Group, le patron d'Ariane Group, parlait des évolutions d'Ariane 6 et de la possibilité d'envoyer, de faire des vols habités. Mais ce n'est pas encore sur les tablettes, ni du CNES, ni de l'ESA. Alors pourquoi ? C'est la question que je vous ai posée. Alors, d'un point de vue personnel, faire du vol habité, pour quelqu'un qui travaille dans le spatial, c'est le must. Voilà. Donc mon rêve aurait été de faire ça. On a failli. Il était un moment question que sur Soyouz, on puisse le faire. Donc quand on a dit ça, quand on a fait la première mission à Baïkonour chez les Russes, la première question qu'ils nous ont posée, c'est est-ce que vous allez faire du vol habité à Kourou ? Et là, on a senti que si on leur avait dit oui, c'était un drame pour eux. Ils sont très attachés à ça. Et je pense que pour un ingénieur qui conçoit des lanceurs ou qui permet à un lanceur voile habité de pouvoir travailler là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, excusez-moi, pourquoi les Russes ne souhaitaient pas qu'on lance des... Ah ouais, pour eux, c'est une fierté nationale, ouais. D'accord, donc il faut que ça c'est se passe depuis, nationale. Depuis chez eux. Enfin bon, voilà, c'est tout un contexte historique. Il faut savoir qu'à la fin de l'Union soviétique, on leur a torpillé tous leurs lanceurs, quoi. Hein. Donc, ils sont partis chez les États-Unis, nous, on a raflé Soyouz, les Coréens ont pris aussi un bout de Soyouz, etc. Donc, mais le vol habité, c'est vraiment une fierté pour eux. Donc, et je le comprends et je la partage. Donc aujourd'hui, on n'a pas ce lanceur-là. Hein. Donc on pourrait investir. Alors Charmeau l'a dit ce matin, effectivement, moi je veux faire un lanceur multimission, pas cher, vol habité, machin, etc. Bon, déjà, on va essayer de faire un premier lancement Ariane 6. On va essayer de faire une A62. A62, c'est... Donc A62, c'est en fait, c'est la version d'Ariane 6, mais avec deux boosters. On l'a pas dit, mais effectivement, il y a deux versions d'Ariane 6. Enfin, vous devez le savoir. Une à deux boosters et une à quatre boosters. A64 pour celle à quatre boosters. A64, voilà. Donc, on va essayer de faire ça. On va y aller par étapes. Après, les dispositions aussi pour vis-à-vis de... Enfin, dès qu'on met des hommes à bord, il faut un lanceur hyper fiable. Et il faut une base et un ensemble de lancements qui soient hyper fiables et qui permettent de mettre en sécurité... Les cosmonautes ou spationautes ou astronautes. Bon, vous avez vu récemment quand même que le Soyouz a eu un souci la semaine dernière et que heureusement qu'ils avaient une capsule qui leur a permis de s'éjecter donc après un défaut sur le deuxième étage. Donc c'est quelque chose qui est très particulier au niveau de la conception du lanceur et des moyens sols parce qu'avant tout, c'est le là on n'a plus de la charge utile, hein, on n'a plus un satellite... on a des hommes à bord, et ça, c'est zéro défaut et 100% en termes de fiabilité. Donc, voilà. Alors, Ariane 5, oui. Il me semble qu'Ariane 5 a été conçu pour, à la base. Alors ça, c'était Hermès. Et Ariane 5. Avec Ariane 5, oui. C'était Ariane. Hermès, qui a été abandonné. Une navette qui s'appelait Hermès, navette européenne. Et alors, Ariane 5 avait été conçu justement pour emporter Hermès et des vols habités. Ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir un lanceur hyper fiable. Hein, puisque toutes les études au départ, la conception du lanceur était faite sur cette base-là. Hermès a été abandonné, mais la conception du lanceur est restée. Et nous avons un lanceur Ariane 5 qui est d'une fiabilité extraordinaire. Et bon, on a abandonné parce que l'argent. Et puis on a bien vu que les Américains aussi ont, avec la navette, ça a quand même été un grand succès, hein, puisque ils ont quand même pas mal de difficultés et techniques et économiques. Ce qui nous a permis d'ailleurs à nous d'avoir un créneau hyper favorable, à une conjoncture, on va dire, une conjoncture astrale hyper favorable, et qui a permis le développement commercial d'Ariane 5, et qui en a fait le succès. Puisqu'on s'est retrouvé quasiment à être le seul, les Américains ayant mis tout leur projet du côté de la navette. Nous, on avait notre lanceur, un lanceur lourd qui a pu prendre les parts de marché et être vraiment le lanceur leader sur le marché pendant de longues années. Je voulais partir en club sous les tropiques. J'ai trouvé en Guyane, à côté de Kourou, un beau village vacances, bord de mer très typique. 1700 personnes t'accueillent, les fleurs autour du cou. Mais je me suis fait avoir et j'ai bossé comme un lama. J'aurais dû écouter un peu mieux Bernard Azéma. Oh, c'est aussi un plaisir de travailler sur la base. Hein. Bonsoir. Alors moi, ma question était plutôt simple. C'était sur l'organisation du CNES CAG. Est-ce que ça a changé depuis la formation d'Ariane Group? Et notamment, comment vous vous interfacez aujourd'hui avec tout ce qui est installation, par exemple, de la ligne d'assemblage horizontale au BAL? Et comment ça se passe, la relation avec Ariane Group aujourd'hui au niveau du CNES CAG? Alors là, dans la question, il y a deux aspects. Parce que le BAL, je laisserai Pierre répondre. Ça, c'est plutôt le futur Ariane 6. Aujourd'hui, la relation... Alors, ce qu'il faut savoir, au CSG, il y a trois acteurs principaux. Il faut bien cadrer le panorama et comprendre le rôle de chacun. Le premier acteur, c'est quand même aujourd'hui l'Agence spatiale européenne. Pourquoi ? Parce que c'est le maître d'ouvrage de la totalité des programmes de développement lanceurs. Ariane, Vega, et c'est lui qui nous a permis d'adapter Soyouz pour pouvoir lancer au CSG. C'est aussi le propriétaire des ensembles de lancement et des usines de production. Et pour finir, et c'est la peut-être. C'est lui qui a payé, il faut dire. Voilà, c'est lui qui les paye. Et c'est lui qui, depuis 1975 et l'accord que la France a passé avec l'Agence spatiale européenne, finance deux tiers des coûts de fonctionnement, on va dire des coûts de fonctionnement du Centre spatial guyanais. Alors, deux tiers de ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle du Centre spatial guyanais. C'est-à-dire, la France s'est engagée, au travers de l'accord, à garantir à l'Agence spatiale européenne un ensemble de lancements et une base capable de lancer ses lanceurs et d'effectuer les missions. Ça, c'est le premier acteur. Deuxième acteur, le CNES. Alors, le CNES, c'est le propriétaire foncier, ce qui est quand même important. C'est nous qui sommes propriétaires des 700 km² qui constituent la base. Alors, pour vous donner une idée, on avait au départ 900 km², l'équivalent de la Martinique. Le centre spatial, c'était l'équivalent, pour ceux qui connaissent, de la Martinique en surface. Aujourd'hui, on a 700 km². Pourquoi ? Parce qu'on a rendu 200 km² de terres dites agricoles qu'on a redonné à des exploitants, hein, dans le cadre de notre relation, on en parlera peut-être, du rôle du CNES en Guyane. Donc on est le propriétaire foncier, on est le coordonnateur, on est les responsables de ce qu'on appelle le schéma directeur, c'est-à-dire en fait le plan d'urbanisme de la base, on va l'appeler comme ça. C'est nous qui décidons et qui validons toutes les constructions sur la base. C'est nous qui coordonnons et planifions les activités. Coordonnons et qualifions les activités. Et planifions et les planifions. Activités générales de la base. Et puis, c'est nous qui accueillons finalement tous les clients satellites sur notre on va dire territoire. Même que j'aime pas employer ce mot-là, qui pourrait heurter mes amis guyanais. Et après, le troisième acteur, c'est Arianespace. Arianespace, filiale aujourd'hui d'Ariane Group, mais qui a été longtemps quand même, qui a été créé par le CNES. Hein. C'est le CNES qui a créé Arianespace et qui a créé la notion de service de lancement au travers d'Arianespace. Et depuis deux ans, donc, nous avons cédé nos parts et nos parts ont été reprises par Ariane Group. Donc Arianespace, lui, est l'opérateur de lancement. Lui est le maître d'ouvrage de la production des lanceurs. C'est lui qui commande les lanceurs, que ce soit Ariane, Vega ou Soyouz, à ceux qui les produisent. Donc pour Ariane, c'est Ariane Group. Pour Vega, c'est les Italiens d'Avio. Et pour Soyouz, c'est les Russes de TSSKB. Je crois qu'ils s'appellent toujours comme ça, hein, Pierre, hein, TSSKB, qui produisent le lanceur. Et c'est lui qui est responsable des opérations de lancement, de la relation avec le client, puisque c'est lui qui vend la prestation de service lancement. Puisque Arianespace, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Arianespace, il vend une prestation de service de lancement. C'est-à-dire qu'un opérateur vient le voir, il dit voilà, j'ai un satellite, je voudrais qu'il soit mis à telle orbite dans deux ans parce qu'il va faire de l'Internet ou de la télécommunication directe ou de la TV, etc. Et donc Arianespace vend le service. Et dans le service, il y a la base spatiale, puisqu'il y a l'accueil du satellite, etc. Donc nos relations avec... acteurs, il faut se coordonner là. Voilà. Et donc ça, c'est la responsabilité aussi du CNES de coordonner l'ensemble de l'activité sur la base spatiale. Elle nous est dévolue un petit peu par cet accord France-Agence spatiale européenne. Et donc c'est nous qui coordonnons et planifions la totalité des activités. Arianespace coordonne toute l'activité lanceur avec Ariane Group, hein, donc tout ce qui est intégration lanceur, etc. Et la question, c'était aussi... Et donc nos relations avec Arianespace, ouais, et Ariane Group au quotidien, c'est des relations extrêmement serrées. On travaille ensemble. On ne peut pas faire autrement que de travailler ensemble. Puisqu'en fait, ce qu'on appelle une campagne de lancement, c'est en fait trois campagnes. C'est une campagne lanceur. Donc, comme disait Pierre... La production du lanceur. En Guyane, c'est l'intégration du lanceur. L'intégration du lanceur. Donc, parce que les pièces arrivent d'Europe, hein, pour la plus grande partie. Donc c'est une campagne lanceur. C'est une campagne satellite, puisque les satellites arrivent par avion à Félix Éboué, à l'aéroport de Cayenne, rejoignent la base et les ensembles de préparation de charges utiles, déroulent leurs tests électriques, tests mécaniques, pour voir s'ils sont aptes au vol, se remplissent. Et puis c'est la campagne satellite. Et puis on a une troisième campagne qui est la campagne vraiment de la base. C'est-à-dire que nous, on teste tous nos moyens. Nos moyens de télémesure, nos moyens de télécommunication, nos radars. Et pour être prêt pour le jour J. Avec plusieurs étapes, hein, qu'on pourra, si vous intéresse, on pourra en faire la chronologie. Donc on a trois campagnes en parallèle pour un seul objectif qui est un J0. Un J0 qu'on a respecté puisqu'il y a un engagement justement de l'opérateur de satellite de lancer au J0 et au JH0. Donc nos relations avec Ariane Group sur la base de lancement, ce sont des relations au quotidien, sur les plannings. Pour les avoir vécues pendant 6 ans, je peux vous assurer, on arrive le matin à 7h15, on fait le débriefing avec le directeur, on fait le planning de la journée, une heure après tout a bougé. Donc c'est vraiment des relations très très étroites de toutes les équipes, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient opérateurs de lancement et qu'elles soient CNES. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Ou est-ce que derrière votre question, il y avait d'autres aspects que vous auriez vivement traités? Il y avait la partie balle également, mais je ne sais pas s'il y avait une autre, d'autres interventions. Monsieur, peut-être? Oui, bonsoir. Je voulais savoir d'où vient le carburant, où c'est fabriqué, comment c'est acheminé, l'oxygène et l'hydrogène liquide. Alors, ce qu'on appelle les propergols solides sont fabriqués à l'usine de propergols de Guyane. Donc c'est la poudre, hein. C'est la poudre des boosters. Nous avons donc une usine, une belle usine entièrement automatisée, avec très très peu d'opérateurs, donc qui produit la poudre qui est du perchlorate d'ammonium à la base. Perchlorate d'ammonium. Ouais. Hyper corrosif, hein. Et qui est donc chargé dans les boosters, ce qu'on appelle les étages à propulseur à poudre, hein, qui sont les deux sur les photos. Peut-être c'est plus facile de les regarder. Les boosters. J'ai une ancienne collègue. Si vous êtes toujours sur la page 9, on voit rien de 5, hein. Voilà. Avec voilà, deux boosters donc, là sur les boosters, côtés. Donc qui servent à la pousser au décollage, hein, pour l'apport du lanceur. Et ensuite. Ça c'est de la poudre. Une fois qu'on a allumé. C'est de la poudre. On peut pas l'arrêter, hein. On peut pas l'arrêter. C'est comme un feu d'artifice. Dans la chronologie de lancement. Ça va jusqu'au bout. Dans la chronologie de lancement, donc il s'allume à H0 plus 7 secondes et 5 millisecondes. Et quand on a allumé, c'est terminé. On décolle. Non réversible. Ah, c'est sûr. On décolle et on espère que ça marche. Et l'oxygène liquide et l'hydrogène liquide, qui servent donc à l'étage principal cryotechnique, sont eux aussi fabriqués en Guyane. Et pour vous donner une idée. Entre le moment où on commence les remplissages et le décollage, il y a à peu près 600 000 litres, l'équivalent de 600 000 litres d'oxygène liquide qui sont acheminés sur la zone de lancement. Donc c'est fabriqué, ils sont fabriqués en Guyane. En revanche, les ergols des satellites, eux, sont fabriqués en Europe. Là, je m'y connais un petit peu moins, donc l'hydrazine, le monoxyde d'hydrazine. L'hydrazine, c'est le carburant qui est utilisé. Des satellites, le MMH, lui est fabriqué en Europe et arrive par container en Guyane. Alors, racontez-nous si on va en Guyane là, et qu'on peut assister à un lancement. S'il y a un lancement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bien sûr, hein, le centre spatial est après les îles du Salut, le premier site visité en Guyane. Donc, on peut visiter en dehors des lancements, on peut visiter la base de lancement, c'est gratuit. Et on a à peu près, je pense qu'on doit friser 40 000 à 50 000 visiteurs par an. Donc c'est quand même relativement important. Et on peut assister à un lancement. On peut assister à un lancement. Il y a à peu près chaque année 15 000 personnes qui assistent à des lancements. Donc divisé par 12, vous voyez. Sur la base. Voilà. Où est-ce que vous nous installez? Alors on vous installe. Les plus chanceux sont site Toucan. Le site Toucan est à 4,7 km de l'ensemble lancement ELA3 pour Ariane 5, en visu direct. Hein. Donc, vivre un lancement de Toucan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. On voit d'abord une lumière blanche. C'est souvent la nuit. Hein, Oui, c'est en fin de soirée, les lancements. En fin de soirée, donc il fait souvent nuit. Ouais. Donc, on a une lumière blanche extraordinaire. Et puis, quelques secondes après, on ressent d'abord physiquement les vibrations et on entend le bruit. Et bon, comme je vous disais, moi j'ai vécu plus de 60 lancements et chaque fois c'est le même frisson, la même adrénaline qui m'envahissait et qui va continuer à m'envahir, même si je le regarde maintenant à la télévision. Ah. Ensuite, il y a des sites, ce qu'on appelle des sites un peu plus éloignés, donc on accueille nos invités qui sont à une dizaine de kilomètres. On a des sites qui sont à l'entrée de Kourou. On a un site à l'entrée de Kourou qui est grand public, hein, qui est le Mont Carapa, qui est plutôt ouvert à la population locale. Et puis, tout bêtement, et franchement, ça fait partie aussi de mes bons souvenirs, c'est regarder un lancement de la plage de Kourou. C'est quelque chose aussi d'extraordinaire. C'est des images et des photos qui sont magnifiques. Donc oui, on accueille. Alors, pour les gens qui auront la chance de partir en Guyane ou de visiter la Guyane, il y a un site du CSG où on s'inscrit pour les lancements et en fonction des places, voilà, on peut, c'est gratuit, on peut assister à un lancement. 250 personnes dans la salle de Jupiter, il faut le dire aussi. La salle Jupiter. Salle Jupiter, c'est le centre de contrôle, c'est la tour de contrôle. C'est le centre de contrôle. Le centre de contrôle, c'est un peu la tour de contrôle de, ouais, de la base de lancement. Donc les 250 personnes qui sont à Jupiter, une partie sont des VIP, une partie sont les clients d'Arianespace. Mais donc les VIP sont là en salle Jupiter parce, ouais, que parfois il peut y avoir des décisions à prendre éventuellement. Ceux qui sont de ce côté de ce qu'on appelle, ouais, le bocal, ouais, dans le langage, ouais, non, ne participent pas. Il y a une vitre, mais on voit. Il y en a qu'un qui peut être important, c'est le préfet quand il est là ou son représentant en situation de crise. Et le directeur de la base. Autrement, il y a à peu près 40 personnes là qui sont présentes au moment des lancements en salle de Jupiter. Ils sont derrière la vitre, ils sont devant leur pupitre, des pupitres qu'on vient de moderniser d'ailleurs en fin 2017. Hein. Tout est tactile, on s'est mis un petit peu au goût du jour. Il y a un grand mur où on voit le pâtir et on voit aussi apparaître tous les équipements principaux de la base de lancement avec, on l'espère, des verres, un voyant vert qui permet d'arriver jusqu'au décompte final et au décollage. Donc ces 40 personnes, elles, donc, sont sur la salle. Au milieu de la salle, il y a ce qu'on appelle le directeur des opérations, qui est en fait le grand ordonnateur. Le DDO. On entend ça, à tous de DDO. Voilà, à tous de DDO, prêt pour le décompte final. Prêt pour le décompte final, d'accord. Donc lui, le DDO, lui, directeur des opérations, c'est en fait le grand coordonnateur, c'est le grand timonier en fait de la campagne de lancement. Il a, lui, tous les écrans et toutes les données qui arrivent de tous les systèmes critiques du CSG. Et c'est lui qui coordonne les opérations. Il faut savoir qu'au moment du lancement, il y a à peu près 400 opérations qui sont déroulées. Hein. Donc, il coordonne toutes les opérations. Et c'est lui qui va lancer la chronologie finale quand il sera sûr que tous les équipements et tous les moyens sont au vert. Le décompte final, c'est quoi? C'est 7 minutes Alors, c'est la dernière minute, c'est quoi? Le décompte final, ce qu'on appelle la séquence finale, commence à H0, moins 7 minutes. Ouais. À ce moment-là, c'est les ordinateurs qui prennent la main. Et donc, on passe en séquence finale. Et si jamais on a un rouge pendant cette chronologie finale, on est obligé au moins de redémarrer à moins 7. À moins 7. Ouais. Voilà. Un rouge, ça veut dire quelque chose qui se passe mal, un radar qui ne marche pas, la météo qui n'est pas contente. Un rouge base de lancement. Alors, c'est par exemple un radar une perte de radar à un moment donné ou une liaison de télémesure. Ça peut être un rouge lanceur. Donc, c'est un problème sur les fins de remplissage du lanceur ou des ombilicaux du lanceur au dernier moment. Ça peut être aussi un rouge satellite. Quelque chose qui se passe mal sur le satellite. Le client satellite qui ne reçoit pas, par exemple, qui ne reçoit pas le signal de son satellite. On peut avoir un rouge satellite. Voilà. Alors, si par malheur le lancement se passe mal, que le lanceur commence à dériver, à aller là où il ne faut pas, il y a le bouton rouge. C'est quoi le bouton rouge? C'est le directeur rouge de la base qui l'actionne. C'est la décision. C'est plus compliqué que ça. C'est pas vraiment un bouton rouge. En fait, on a ce qu'on appelle on a un réseau de stations. Alors dans le cas d'Ariane 5, c'est un réseau assez classique hein, de ce qu'on appelle les stations aval, qui sont positionnées tout au long de l'équateur. La première station, c'est des radars. Hein. Voilà, station, ouais. et les stations et les antennes qui reçoivent aussi la télémesure. Enfin, toutes les données du lanceur arrivent en temps réel. Et c'est, je sais pas si vous avez vu des lancements, c'est qui permet de dire au DDO. Tous les paramètres sont normaux, trajectoire nominale, tous les paramètres à bord sont normaux. C'est ce qu'on aime entendre. On aime entendre ça, d'accord. Oui, parce que jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde, on a les frissons quand même. Et donc ces stations donnent l'état du lanceur en fait. Hein. Donc première station, elle est à Gallio. Gallio, c'est juste une colline qui est au-dessus de la base de lancement. Deuxième station, elle est à Natal, au Brésil. Ensuite, nous avons une station à Ascension, donc qui est un territoire d'outre-mer britannique au milieu de l'Atlantique, hein, sur l'équateur au milieu de l'Atlantique. Ouais. Une station au Gabon, à Libreville. Au Gabon. Et pour la fin de mission, Malindi au Kenya. Ça, c'est pour les trajectoires qu'on appelle les trajectoires géostationnaires, ouais, GTO. Lorsqu'on a des trajectoires vers le nord ou des trajectoires atypiques... Ça va être d'autres stations, effectivement. Voilà, donc là, on fait appel... Ouais. Alors là, si ça se passe mal, alors, qu'est-ce que... Si ça se passe mal, il y a les gens, ce qu'on appelle, qui sont... du contrôle visuel immédiat et les gens de la sauvegarde qui sont enfermés dans une salle. Hein, ils ont une responsabilité qui est vraiment très très critique. C'est eux qui disent problème sur le lanceur et ils vont déclencher la télécommande de destruction du lanceur. La télécommande de destruction. Donc effectivement, c'est le bouton rouge, quoi. Voilà. Et donc... Ça décolle, là. C'est à peu près ça, hein. C'est à peu près ça. Et donc, en fait, de mémoire... Allez-y, je vous en prie. De mémoire, de ma mémoire... Faut pas vous laisser troubler, hein. De ma mémoire, donc... moi, j'étais à l'Agence Spatiale Européenne et j'ai rejoint le CNES en 90. Je pense qu'on n'a jamais vraiment actionné, Pierre, tu me diras, le bouton rouge, parce que même pour 501, c'est le lanceur qui s'est... 501, c'est le premier lancement d'Ariane 5 en 96. Au bout de 37 secondes, il s'est cabré. Il a explosé de lui-même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le directeur du CSG, lui, a toutes les informations en direct. Il est connecté directement à ce qu'on appelle la sauvegarde vol. Donc il connaît en temps réel tout ce qui se passe sur le lanceur. C'est également le cas de ce qu'on appelle la cellule de vol, donc les gens d'Ariane Espace, hein, les clients, l'opérateur de lancement. Et il y a une liaison aussi avec le préfet de Guyane, puisque lui, il représente l'État. Et en cas de crise, hein, imaginez en cas d'échec, une explosion du lanceur sur le pas de tir, évidemment, on aura des opérations coordonnées avec la préfecture de Guyane et les services de l'État. D'autres interventions peut-être ? Est-ce que vous avez discuté directement avec Bernard Azéma ou Pierre Guilhem ? Bonsoir, c'est Romain avec mes questions bizarres. J'ai une question sur à propos des... On voit aux États-Unis surtout, un peu en Asie, beaucoup en Chine et un petit peu en Europe, beaucoup de micro-lanceurs. Et en parallèle, des pays qui annoncent, avec des annonces plus ou moins farfelues, de nouveaux spaceports, de nouveaux au Royaume-Uni ou je ne sais où. Et je voulais savoir, dans le cadre du CSG, si moi, dans 5 ans, dans 10 ans, je veux faire un micro-lanceur orbital ou même suborbital, est-ce que vous m'aidez ? Est-ce que vous pouvez m'accueillir ? Est-ce que c'est possible à Kourou ? Ou est-ce qu'il faut que j'aille voir ailleurs ? Alors, c'est une question complètement d'actualité. J'étais encore il y a quelques jours avec nos collègues norvégiens pour parler de sites de lancement de micro-lanceurs. Alors, la politique du CNES et du CSG aujourd'hui, c'est de dire, nous, on ne bloque pas. On ne bloque pas toutes ces initiatives privées de micro-lanceurs. Et on est prêt à étudier la totalité, enfin tous ceux qui veulent nous le demander, on est prêt à étudier comment les accueillir et comment travailler avec eux dans un futur proche ou un peu moins proche. C'est le cas, on travaille par exemple avec les Espagnols et un micro-lanceur à l'entreprise PLD, on a été contacté par des Américains. Donc nous, on n'a pas d'obstacle aujourd'hui à accueillir des micro-lanceurs. Alors pourquoi ? Il y a une bonne raison, parce que il n'y a jamais rien de philanthropique dans la vie, hein, parce que le spatial est devenu un business, hein, faut quand même le dire. Accueillir des micro-lanceurs, si jamais il veut venir chez nous, ça nous permet d'amortir nos frais fixes. Puisque finalement, la base, elle fonctionne, hein, qu'il y ait 0 au lancement ou qu'il y ait 12 lancements, elle a des coûts. Donc quand on peut accueillir, si un jour on peut accueillir des micro-lanceurs, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et on a nos atouts. On a nos atouts, notre placement, comme on disait tout à l'heure, mais aussi le fait qu'on a d'autres, on a nos propres lanceurs, des coûts d'opérations qui pourraient être minimisés par rapport à d'autres concurrents. Vous avez l'expérience. Après, aussi, vous avez des compétences sur place. On a des compétences. D'accord. On sait mettre en œuvre un lancement. Micro-lanceur, c'est quelle taille ? Nanosatellite, c'est quelle taille ? Bon, nanosatellite, c'est 50-100 kilos. 50-100 kilos. Micro-lanceur, c'est un demi-booster d'Ariane 5. Hein. Un demi-booster d'Ariane 5, d'accord. C'est à peu près ça, comme échelle. Bon, aujourd'hui, les micro-lanceurs, on en parle beaucoup. On n'en a pas encore senti concrètement la rentabilité. Parce que ce que nous, on va pouvoir proposer avec Ariane 6, on va faire un peu de pub quand même, c'est d'emporter des passagers, des nanosats, en passagers auxiliaires. Ça leur coûtera quand même peut-être moins cher que de passer par un micro-lanceur. Et avec parce qu'un micro lanceur, ça sera un million cinq à trois millions d'euros minimum quand même. Hein. Passager auxiliaire, 50 kilos, ça pourrait coûter moins que ça. Moins que ça. Moins que 1,5 million. Ouais. Ah, il a son petit sourire. Il a ses petites rides au coin des yeux. Je ne vais pas quand même dévoiler nos arguments commerciaux dès aujourd'hui. Hein. D'accord. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est en train de bouillonner, là, cette idée des nanosatellites, lancer des grandes constellations de centaines, de milliers de petits satellites en orbite basse pour remplir des tas de fonctions différentes. Et donc, Kourou pourrait se mettre sur les rangs. Mais attendez, vous êtes quand même loin. Je pense qu'il y a des projets de base de lancement de microsatellites en Grande-Bretagne, je crois en Espagne, etc. En Norvège, en Suède. Donc, c'est pas loin. Il faut que j'envoie en Guyane mes satellites. Pourquoi pas. Ouais. C'est clair que ça, c'est un coût. Quand les opérateurs font leur balance économique, c'est sûr que le coût du transport pèsera. Ouais. Mais le coût de l'expérience et le fait qu'on les on fera amortir des frais fixes et on les emportera peut-être en passager auxiliaire, ouais. Ça pourra servir. D'accord. Après, les constellations, on attend de voir. Hein. Dans ma jeune histoire, j'ai connu les constellations aussi avec Iridium à l'époque. D'ailleurs, le PCUE5, l'ensemble de préparation des charges utiles numéro 5 en Guyane, avait été fait pour les constellations. Finalement, on ne l'a pas utilisé pour ça. D'accord. Cependant, dans notre projet, nous, le CNES, dans le projet, et l'Agence spatiale européenne, dans le projet de base du futur, on va s'adapter. On va s'adapter justement à ces missions, à ces multimissions. Pouvoir accueillir 7, 8, 9 clients différents dans nos EPCU. C'est ensemble de préparation des charges utiles. Donc c'est les bâtiments où on prépare les satellites. Avec toute la confidentialité qu'ils vont demander, hein, et pouvoir accueillir plusieurs équipes de lancement. Aujourd'hui, on peut faire 5 campagnes en parallèle, pas plus. Demain, on pourra accueillir peut-être 9, 10 campagnes de satellites en parallèle. Ça, c'est le futur CSG, c'est ce à quoi on est en train de réfléchir. Pour demain, est-ce qu'on est en train de préparer avec nos collègues de la sous-direction sol, hein, puisque c'est eux qui seront sûrement les maîtres d'œuvre de ce projet-là, mais il faut d'abord qu'on puisse le vendre aux États membres de l'Agence spatiale européenne, et ce sera l'objectif de la future ministérielle qui aura lieu en 2019 en Espagne. Donc il y a une conférence ministérielle en 2019 et vous allez proposer modernisation dépenser de l'argent pour moderniser la base, la mettre à niveau, et puis peut-être accueillir des micro-lanceurs. Non, c'est peut-être un peu tôt pour 2019. Si vous en parlez déjà en 2019, la première phase... C'est les ministres de l'espace d'Europe qui se rassemblent pour prendre des décisions chaque année. Pour 2019, au niveau du CSG, enfin, ce programme du CSG, du futur CSG, alors il est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on s'adapte aux nouvelles technologies, au numérique, à la digitalisation, aux téléopérations, etc. Il faut qu'on réponde à des besoins de plus en plus pointus de nos clients. Et comme disait Pierre, pour répondre à nos interlocuteurs, à nos invités, il faut qu'on réduise les coûts. Donc on a un CSG Base du Futur en deux grandes phases. La première phase, ça va être de faire ce qu'on appelle un grand carénage. Pour un porte-avions, tous les 30 ans ou les 40 ans, il revient à Toulon, à Brest, il fait son grand carénage. Nous, on va être obligés de faire la même chose. Une grande remise à niveau. Voilà. La base a été mise à niveau pour Ariane 5, dans les années, fin des années 95. Elle était prête en 95. Donc ça commence à dater. Ah, ça fait 20 ans. Voilà. Donc on va faire un grand carénage qui va nous permettre de remettre à niveau les infrastructures et ce qu'on appelle les grands réseaux, la production d'énergie, la climatisation, l'eau, les télécoms, les réseaux informatiques. Et on va, si le projet est décidé par les États membres, réaliser ce qu'on appelle un nouveau centre des opérations où on va concentrer dans le même bâtiment tous les opérateurs et toutes les opérations qui sont nécessaires à la base de lancement. Alors pourquoi on fait ça ? C'est facile, hein, c'est un peu ce que disait Pierre pour le lancement. Hein. C'est un seul bâtiment à maintenir, des équipes qui sont au même endroit, donc gain de temps, gain dans les échanges, etc. Et possibilité de mener toutes ces campagnes à parallèle. et ça nous permettra de déconstruire deux bâtiments, deux vieux bâtiments qui sont coûteux en énergie, en climatisation en particulier, et qui commencent à vieillir. Donc ça, c'est la première phase de rénovation et de mise à niveau de la base de lancement. La deuxième phase, elle va être plutôt orientée vers les clients. Donc là, on va moderniser nos ensembles de préparation de décharge utile. On va essayer d'être au top niveau dans ce qui est numérique, digital, etc. Téléopérabilité, c'est-à-dire que nos clients puissent commander leurs opérations d'Inde, des États-Unis, de Corée. Ils pourront agir à distance sur leur satellite. Sur leur satellite. Ouais. Voilà. Et puis minimiser toutes les opérations qui nous permettent de faire les tests et les mécaniques électriques des satellites. Ça, c'est une seconde phase qu'on présentera à la ministérielle de 2022. Il faut y aller par étapes, hein. C'est quand même des sommes qui sont importantes. Combien ? La première phase de rénovation du centre, de mise à niveau du centre va faire à peu près 180 millions d'euros. 180 millions d'euros. Sur 6 ans. Sur 6 ans, d'accord. Et alors, vous arrêtez de lancer pendant combien de temps ? Et justement, c'est le sacré challenge qu'on doit mener, c'est qu'on continue à être opérationnel. Donc, et ça, Pierre a souvent les relations qu'on peut avoir entre les développeurs et les opérationnels. C'est quand est-ce que lui peut placer ses opérations, ses chantiers ? Quand est-ce que lui peut intervenir sur tel réseau, etc. Et ça, c'est une planification qui est très, très serrée, qui se passe entre nous. Mais il faut qu'on continue à lancer. Donc, 10 à 12 lancements par an. Pour qu'on s'arrête pas, d'accord. J'en ai goûté des rhums de Guadeloupe et du Cap-Vert, des rhums incroyablement forts, plus corrosifs, tu meurs. Mais quand mon copain de Guyane m'a servi un petit verre de perchlorate d'ammonium, là je suis vraiment mort. Merci. Alors, je préfère vous proposer un verre de rhum de la Belle Cabresse que de perchlorate d'ammonium. Un peu de rhum, d'accord. Pierre Guilhem, comment est-ce qu'on devient architecte d'ensemble de lancement, de zone de lancement? Ça doit pas être... Ça court pas les rues? Non, ça, ouais. Ça court pas les rues. Alors, il y a un peu le hasard. Vous avez trouvé une petite annonce? On pourrait presque dire ça, ouais. Non, non, déjà, il y a une passion depuis tout petit pour le domaine du spatial, de la haute technologie, voilà. Il y a le besoin aussi d'envie de construire. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez vu sur les photos, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même des choses qui sont assez Mais vous avez quelles compétences, vous? Vous êtes architecte, pas du tout destiné à faire ce métier-là, quoique. Enfin, moi, mon métier, je suis ingénieur en bâtiment, en travaux publics. Ah, d'accord. Donc, en fait, j'étais pas du tout destiné à ça. Moi, c'était plutôt les ponts, les routes, les barrages, les grandes infrastructures. Et en fait... Bon, par mon parcours professionnel, j'ai été amené à travailler dans des domaines, soit le domaine militaire, soit le domaine de l'industrie. Et puis un jour, comme vous l'avez dit, j'ai vu une petite annonce, on cherche un ingénieur, voilà, pour faire des bases de lancement à Kourou et possibilité de travailler avec les Russes. Et il se trouve que ma deuxième langue, c'est le russe. Non. Voilà. Ah, ça, c'est bien, ça. Donc, j'ai dit, c'est pour moi. D'accord. Et depuis 17 ans, voilà, j'essaye de faire avec mes équipes des bases de lancement. Alors, il y a l'ensemble de lancement qui a été fabriqué spécialement pour le lanceur russe Soyouz. C'était une aventure, ça aussi, j'imagine, parce qu'il fallait travailler avec eux. Ils ont leur culture, les Français, les Européens ont la leur, ils ont leur manière de faire. Il y a pas mal de secrets aussi, parce qu'ils ne veulent pas livrer leurs secrets de fabrication. Ouais. Alors effectivement, ça a été une aventure humaine assez passionnante. Le projet a duré 10 ans. On a démarré en 2001. Alors, il y a eu avant des préétudes, mais on a vraiment démarré avec eux en 2001. Et qu'est-ce que vous avez démarré, la fabrique? Donc, le projet, c'est-à-dire le projet qui était l'idée de base, c'était d'amener le Soyouz à Kourou. Donc, c'est Arianespace qui a monté ce projet-là, de façon à ce qu'on puisse faire accroître la performance du Soyouz et donc de donner la possibilité au Soyouz d'avoir de meilleurs clients, tout simplement. Accroître la performance parce qu'on est près de l'équateur, hein, toujours. Exactement, ah oui. Toujours pareil. Donc on voit bien que, quel avantage ça apporte. Et puis ensuite, il y avait un autre facteur qui n'a pas très bien plu au début en interne au niveau du CNES, c'était qu'il fallait remplacer Ariane 4. Ariane 4 s'est arrêtée. Et donc, quelque part, l'arrivée du Soyouz a été quand même assez mal perçue au sein du CNES parce que c'était la mort d'Ariane 4 qui a été un lanceur qui a remarquablement bien fonctionné. Qui a donné toute satisfaction. Donc, c'était un peu... on était un peu des traîtres au sein du CNES de travailler sur Soyouz, quoi. Aïe, mais bon, on travaillait... nous, côté sol, ça nous allait bien parce que Ariane 5 était terminée. Donc, ça, effectivement, ça faisait un projet intéressant à faire. Et donc, la coopération avec les Russes, en fait, on a vraiment eu une très forte coopération avec eux. Donc il a fallu briser la glace, hein. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que la culture avec de la vodka ou juste de la glace, on peut le dire, oui, ça a été ça. Il faut leur montrer, enfin avec les Russes, il faut leur montrer qu'on est aussi fort qu'eux. Ah oui, voilà. Si vous êtes faible, ça ne marche pas. Faut montrer qu'on est des gars. Donc quoi. On a fait des repas arrosés. Est-ce que vous mettiez un petit peu d'eau dans la vodka? On mélangeait vodka et cognac. Ah d'accord, voilà. Non, c'est pas exactement ce que j'imaginais. D'accord. C'est pas ce qu'on peut imaginer. D'accord. Donc en fait, il y a vraiment, ils ont un très profond respect des personnes qui revendiquent leur conviction et qui sont droits dans leurs bottes. Donc en fait, il faut arriver à les matcher comme ça. Donc on savait qu'il fallait faire ça. Après, ce qu'il y a, c'est que les Russes sont des gens qui sont... Enfin, ces Russes-là qui avaient... On a travaillé quand même avec des gens qui avaient, pour certains, participé à la conception et la construction du pas de tir qui a envoyé Gagarine dans l'espace. Wow. Donc je vous laisse imaginer l'âge qu'ils pouvaient avoir déjà. Bon, malheureusement, on en a donc des étoiles partout, des placards de médailles partout. Donc c'était impressionnant. Moi, j'étais un jeune ingénieur, donc c'était assez impressionnant de travailler avec eux. Mais ils ont, et les Russes, pour la plupart d'entre eux, ils ont une très forte amitié envers la France. Ça, c'est énorme. Ils connaissent la culture. Enfin, les Russes connaissent, je pense, pour certains, plus la culture française que certains Français. Ah oui. La littérature du 19e siècle, etc. Ils sont assez férus de ça. Il parle français, donc on communiquait entre nous par interprète, mais je pense que la plupart parlaient le français, donc ils savaient ce qu'on se disait entre nous. Et moi, je parlais russe. Malin. Et moi, je parlais russe, donc ils se méfiaient un peu de moi. Mais on a quand même réussi à gagner leur confiance, et ça a été une aventure humaine exceptionnelle, parce qu'en fait, on les a accueillis à Kourou, donc sur le centre spatial. On leur a donné, on les a installés dans un hôtel. Alors pas sur la commune de Kourou, mais la commune à côté, parce que le centre spatial est coupé en deux, hein, la commune de Kourou et la commune de Sinamari. Et on les a installés, on les a un peu isolés, c'était un peu volontaire aussi, parce que Bernard n'a pas insisté là-dessus, mais il y a un côté quand même sûreté au sein de la base qui est quand même important. Donc on ne pouvait pas amener certaines populations au cœur de nos installations, surtout vis-à-vis de certains clients. Et donc, on a dû faire des choses. Alors voilà, Kalinka, on l'a chanté, on l'a bu tous les soirs. Ouais. Merci. Alors, quand on a la chance d'aller visiter la zone de lancement l'ensemble de lancement Soyouz, on est accueilli par un ingénieur, très bien, à qui on serre la main. Puis il y a quelqu'un d'autre qui est juste là, à qui on serre la main, mais qui vous la serre apparemment sans aucun plaisir, qui vous regarde à peine dans les yeux, qui vous accompagne partout sans dire un mot. En fait, on est vraiment coaché et de très près, oui, là. C'est le FSB qui est là, la sécurité. La sécurité, oui, bien sûr, on avait des gens... Ils ont leur bâtiment, et puis tout le monde n'y va pas, hein, ils ont la clé. Hein. Exactement. Bon, chez nous, on est un peu pareil aussi, mais en fait, eux, c'est très prononcé. Donc, on avait des gens avec nous qui étaient en réunion, qui ne disaient rien, mais qui enregistraient tout. D'accord. Donc, et qui étaient là pour... Alors, nous contrôler, évidemment, à nous, mais surtout contrôler ce que les Russes pouvaient nous dire. D'accord. Les ingénieurs russes. Donc, d'accord. En fait, on arrive à... on arrive à briser la glace et à créer des relations de confiance. Voilà, quand on fait 10 ans de projet, donc en fait, on a travaillé chez eux, on a fait plusieurs missions à Moscou, on est allé 2 fois à Baïkonour, parce qu'en fait, on a dupliqué leur base de Baïkonour et on l'a guyanisée, parce qu'il fallait apporter alors notre touche de sauvegarde, de sécurité, il fallait climatiser aussi les installations, ce qui ne se fait pas. Bon, à Baïkonour, on n'a pas trop ce concept-là. Et il a fallu... Pourtant, il fait froid, hein, à Baïkonour. Il fait un peu froid. Très froid l'hiver, très chaud l'été. Mais bon, ça, 50, ça, moins 50, ça, non ? Ça ne les dérange pas. Et puis il fallait, on a adapté. On leur a quand même proposé une grande évolution pour eux. C'est ce qu'on voit sur les photos là, du portique que vous avez vu. C'est que le portique Soyouz, en fait, n'existe pas à Baïkonour. C'est une particularité de Soyouz en Guyane. Ça, voilà, c'est le seul pas de tir Soyouz qui a... Alors, non, je dis une bêtise, c'est que ça a été le premier, et ils ont fait une nouvelle base de lancement dans l'Est sibérien, à Vostochny, et ils ont également accepté et reproduit ce concept. Donc, en fait, nous, on leur a un peu, c'est vrai, pompé du savoir... mais ils nous ont... Qu'est-ce que vous leur avez pompé comme savoir ? Je veux dire, la base de lancement, on n'a pas pu l'inventer parce qu'en fait, quand on conçoit une base de lancement, un ensemble de lancement, on le conçoit pour le lanceur. Hein, le sol est au service du lanceur. Donc, tout à l'heure, on avait une question sur le qu'est-ce que fait Ariane Group au BAL, donc qui est le bâtiment d'assemblage du lanceur sur le LA4 pour Ariane 6. On est au service du lanceur. Donc tout ce que l'on fait, c'est pour le lanceur. Quoi. Voilà. SpaceX a fait le choix du lanceur réutilisable. Ariane fait le choix de l'optimisation du lanceur non réutilisable. Du point de vue du Centre spatial guyanais, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Qu'est-ce qui serait le plus intéressant ? D'un point de vue, d'une part, financier, et d'autre part, du coût écologique qui n'est pas négligeable pour un lancement de fusée. Alors, question complexe. Hein. Alors, le réutilisable. Nous, on va le tester quand même, puisqu'on a un projet au CNES qui s'appelle le projet Callisto, de démonstrateur réutilisable, donc qui décollera de Kourou et qui reviendra au large des îles du Salut, proche des îles du Salut. On est encore en train de décider. Alors, vu de la base, c'est les opérations, hein, c'est les opérations qu'il faudra mener. Des opérations supplémentaires. Donc on va avoir un test hein, d'étages réutilisables. Voilà, un test d'étages réutilisables. Callisto, ça s'appelle, oui. Callisto, le projet. Donc grosso modo, réutilisable, ça veut dire qu'il décolle et puis il vient se poser comme un... Il droit va, comme un nid sur, se sa, reposer sur une plateforme. A priori, sur une plateforme qui serait ancrée peut-être à côté des îles du Salut. Ce lanceur, ce démonstrateur, c'est la première brique d'un projet beaucoup plus important qui s'appelle le projet Thémis. De lanceurs d'étages réutilisables et qu'on souhaite aussi qu'il va faire partie des discussions à la prochaine ministérielle de 2019. Et donc, Thémis pourrait déboucher sur un étage réutilisable sur Ariane 6 ? Par exemple. Par exemple, d'accord. Par exemple. Ça peut être une des évolutions d'Ariane 6 ou de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, Ariane Next, un futur lanceur après Ariane 6. Pour les opérations de la base, ça veut dire qu'on fera plus d'opérations, puisqu'en fait, la partie, ce qu'on appelle le refurbishment, c'est-à-dire le reconditionnement de l'étage qui revient et qui doit être réutilisé, il faudra qu'on... Et là, on n'est pas encore rentré dans cette phase-là. Parce qu'il faut garder le moteur. Un étage, c'est un moteur. Voilà, on garde le moteur ou on le change ? Le but, c'est justement que le moteur soit réutilisable. Ah voilà, c'est ça. Parce que c'est ce qui est le plus cher. L'étage soit réutilisable, mais aussi le moteur, puisque c'est le moteur qui coûte cher. Donc, de le repréparer, le reconditionner pour un lancement, pour un autre lancement. Donc ça nécessitera des installations particulières comme SpaceX a aujourd'hui. Et donc un projet nouveau peut-être pour la sous-direction sol. Oui, alors. Mais oui, vas-y. Oui, non, je disais juste par rapport à votre premier point là sur le pourquoi Ariane 6 est parti sur finalement une évolution d'Ariane 5. Enfin, je le dis comme ça, mais c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, il fallait répondre très vite à la problématique SpaceX. Et toujours pareil, c'était SpaceX nous met en face notre problématique, c'est qu'on a un super lanceur. On raflait il y a quelque temps 50% du marché institutionnel, marché satellites commerciaux. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on n'a pas. Il fallait répondre très vite. Donc, passer directement au réutilisable, c'était quasi impossible. Donc, en fait, Ariane 6, pour moi, comme le, sous-entend Bernard, c'est une étape. C'est une étape vers ce réutilisable qui, de toute façon, devra se faire un jour. Parce que sinon, effectivement, on ne sera plus, plus compétitif, quoi. Donc, comme vous le dites, il y a un coût derrière qui ne sera plus soutenable pour les États, tout simplement. Donc, c'est pour ça. Donc, on a pris des briques d'Ariane 5 qu'on a optimisées ou des briques d'éléments du lanceur. Toujours pareil, coût récurrent. Et on a bâti ce lanceur comme ça. Bon, je voudrais quand même rajouter que le modèle de la réutilisation est sur un modèle économique. On n'est pas là pour parler de ça, hein, puisque nous, on est plutôt sur Terre et pas dans l'air. Hein, mais le modèle économique est fondé quand même sur un nombre de lancements importants, élevés, et en particulier un nombre de lancements institutionnels, ce qu'on appelle institutionnels, donc des États, plus important que celui que l'Europe s'est proposé aujourd'hui. Hein. Donc ça fait partie des critères économiques qu'il faudra mettre dans la balance avant de se lancer vraiment dans le réutilisable. Hein. Mais tout ça, le CNES, l'Agence spatiale européenne et les industriels européens l'ont pris en compte, travaillent dessus. Il y a une feuille de route qui est partagée à la fois par les industriels, le CNES et l'ESA, qui va progressivement... d'abord, il faut réussir à Ariane 6, le commercialiser, arrêter Ariane 5, puisque c'est quand même pas négligeable, mettre à niveau la base spatiale de lancement pour maintenir sa qualité de meilleure base au monde et préparer le futur. On accélère parce que ça va de plus en plus vite. On n'est plus dans les cycles qu'on a connus à nos débuts, Pierre et moi, dans le spatial. Les cycles aujourd'hui d'évolution sont plus calqués sur des cycles business que sur des cycles recherche. Et donc, il faut qu'on aille de plus en plus vite. Donc, être plus agile, plus réactif, et c'est tout le challenge des années à venir, qu'on évidemment, même avec nos cheveux blancs, prêt à relever encore quelques années. Alors, un mot là de tout ce qui se passe en Guyane, si on s'intéresse à la population, parce qu'évidemment, vous êtes ce CSG, il est dans ce grand territoire qui est la Guyane. Il y avait 33 000 personnes dans les années 60 en Guyane, 33 000 personnes, 30 000 disons. On est aujourd'hui à combien, Bernard Azéma? Alors aujourd'hui, recensé plus de 282 000, je crois, au dernier recensement. Donc en 50 ans, on a gagné, on a multiplié par un nombre, quasiment par 10 la population, c'est incroyable. Sans compter les à peu près 40 000 personnes qui provenant de l'immigration... Illégale. Hein, il y a 40 000 clandestins, on peut en imaginer. Donc on est entre 300 et 320 000 personnes en Guyane. Donc une explosion démographique, là. C'est une explosion démographique, c'est le département français, c'est la région française la plus dynamique démographiquement. Hein. Ouais. Alors, pour deux raisons. Hein. Donc, c'est l'accroissement des natalités. On est à 3,2% par an, ce qui est énorme. Et aussi la baisse de la mortalité, qui est liée au progrès de la médecine, etc. Donc, qui fait que, en plus du mouvement migratoire, des mouvements migratoires qu'il y a eu dans les années 90, hein, liés à des problèmes économiques, politiques, etc., sur les pays frontaliers, pardon, il y a cette natalité et qui fait que la Guyane est le département le plus dynamique, démographiquement parlant. Et le CNES, ce sont des responsabilités là, vis-à-vis de la population, parce que vous êtes le moteur économique quand même de cette. Alors le CNES représente. Le CNES, c'est, comme le dit l'INSEE dans son enquête 2017, c'est le moteur de l'économie guyanaise. Hein, le spatial irrigue l'économie guyanaise. On représente aujourd'hui 15% du PIB. C'est-à-dire qu'on est quasiment équivalent ou un peu devant le bâtiment et les travaux publics, qui sont pourtant quand même la première activité, on va dire, non tertiaire en Guyane. On paye aussi de la fiscalité, hein, c'est à peu près 58 millions de recettes fiscales par an. Et c'est aussi le CNES, 10 millions d'euros par an, de conventions avec le rectorat, avec la région, avec les communes, pour aider justement au développement social, économique, éducatif de la Guyane. Parce que quand le CNES, quand le CSG a commencé à se construire dans les années 60, hein, il a fallu construire une école, un hôpital. C'est le CNES qui en avait la responsabilité. Bah, quand on est arrivé quand la décision a été prise de prendre d'installer le centre spatial au CSG, c'est une décision qui a été prise. Donc le général de Gaulle est venu à Cayenne en avril 1964 et il a dit, si je me souviens bien, il a dit sur la place de Cayenne, nous allons construire ici un grand projet qui sera nous, vous, la Guyane, et nous, avec vous, les Français, on va construire un grand projet qui sera visible du monde entier. Et c'était un petit peu l'acte de naissance du Centre spatial guyanais. Quelques mois après, Georges Pompidou décidait de choisir la Guyane comme territoire pour la base spatiale. Et on a commencé à 65. On est arrivé à Kourou. Il y avait 400 habitants au bourg de Kourou et 200 habitants dans la savane, dans les plaines. 700 habitants. Waouh, à Kourou. Voilà. Et il a fallu tout bâtir. Donc les équipes du CNES sont arrivées début 65. Tout bâtir avec un dénommé monsieur Dejean, hein, qui était un petit peu le grand ordonnateur là, des travaux. Et on a tout bâti. On a bâti les logements, on a bâti les écoles, on a bâti l'hôpital, les réseaux électriques, la station d'épuration des eaux, les commerces, un hôtel. Tout ça en parallèle de la base spatiale. Et 4 ans après, comme vous le disiez en introduction, on lançait. C'est quand même quelque chose de grand qui a été fait à l'époque, puisque de 65, début 65, avril 68, on avait une base et on pouvait accueillir les premiers ingénieurs, les premiers techniciens à Kourou. Alors, est-ce qu'il y a une dernière intervention avant de se quitter ? Faut pas hésiter. Hein. On va bientôt s'arrêter. Bon. Kourou, il fait chaud. CSG, CSG, NG. Même si 12 fois par an, c'est sacrément bruyant. Vega, et puis Soyuz. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'assemblage. Devinez, devinez, devinez qui est là. Car aujourd'hui, c'est l'heure de l'assemblage. Aujourd'hui, c'est la folie. La folie au bal, mais que fait Ariane 6 au bal, au bal, qu'est-ce qu'elle y fait? On ne peut pas l'arrêter, ohé, ohé, de s'assembler, de s'assembler, de s'assembler. Quelques messages avant de se quitter. Je vous rappelle, je vous avais vu, hein, vous avez ces petits leaflets là, ces petits. Document, hein, évidemment, qui vous donne tout le programme. Et vous avez vu qu'on va parler de Bepi Colombo le mois prochain. Bepi Colombo qui doit partir vendredi prochain, donc vers Mercure. On parlera de conquête de l'espace, de météo marine, de l'espace au secours des populations sinistrées. InSight, vous savez, c'est cette mission vers la planète Mars qui doit également partir avec à bord un instrument conçu en France et en Europe. Comment vivra-t-on dans l'espace ? Ah, la date est changée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est plus le 19 mars. Ce n'est plus le 19 mars. Ce sera une semaine plus tard, le 26. Le mardi 26 mars. On va parler d'astéroïdes aussi, avec bien sûr Francis Rocard qui sera là, vous le connaissez bien, il sera là 3 fois cette année. Il y aura Patrick Michel qui sera présent également le mardi 21 mai, un passionné d'astéroïdes, il est assez incroyable. Et puis le mardi 18 juin, on va parler de Taranis, une mission absolument étonnante. Vous savez qu'on a découvert grâce aux stations spatiales que lors des orages, il se passait au-dessus des nuages des phénomènes tout à fait étonnants dont on n'avait pas idée, qu'aujourd'hui on appelle des sprites, qu'on appelle des elfes, mais qui ne sont pas du tout connus. Et Taranis va essayer de comprendre ce qui se passe donc au-dessus des nuages d'orage. Avant de se quitter, donc aussi un petit message de monsieur qui va nous parler de Space Up. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, merci beaucoup au CNES pour les mardis de l'espace, c'est super sympa et toujours intéressant. je suppose qu'il y a beaucoup de passionnés du spatial qui sont ici, sinon ils ne sont pas là. Et donc avec Space Up, on organise des conférences et aussi tous les derniers jeudis du mois, nous organisons un meet-up donc, dans un bar qui permet de discuter spatial autour d'un verre auprès de gens qui sont passionnés aussi du sujet. Donc l'événement s'appelle The Last Jeudi. voilà, pour ceux qui ont relevé la petite blague. Et ça a lieu en fait au 2.0, tous les derniers jeudis du mois, donc le prochain qui a lieu dans 2 semaines. C'est quoi un meet-up ? Et donc en fait, c'est exactement ce que je disais, c'est on se retrouve dans un bar, on commande son juste verre, on discute. Voilà, on est entre nous, on aime le spatial et exactement, on papote. Exactement, donc voilà. Génial. Et ça va dépendre du nombre de gens. Donc voilà, si vous avez envie de savoir d'en savoir un peu plus, vous pouvez vous renseigner sur le site de Space Up France, donc spaceup.fr. Et sinon, vous vous trouverez aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de The Last Jeudi, donc comme le film Star Wars avec un U en plus. Et voilà, donc, et sur Facebook. Ah oui, ouais, c'est vrai. Donc, on est sur Facebook et sur Twitter. Et pour information, ceux qui sont à Toulouse, Bordeaux ou Cannes, eh ben, on a aussi The Last Jeudi là-bas. Et puis si on cherche à voir, s'il y a des gens qui sont dans d'autres villes qui sont intéressés par en ouvrir un, bah, on serait ravis aussi en plus. Donc voilà. Bah, merci beaucoup et bonne soirée. Belle initiative, bravo. Bernard Azéma. Alors moi aussi je vais faire un peu de pub, hein, puisque pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par le pont spatial de Kourou, donc je vous conseille ce livre-là qui a été réalisé par... le CNES, avec le travail de Carole Barthélémy, avec qui j'ai eu la chance de travailler en Guyane aussi, qui s'appelle Kourou 5 degrés Nord, le pont spatial de l'Europe, et qui est en vente dans toutes les bonnes librairies, et qui retrace l'histoire du centre spatial guyanais. Et alors c'est très très très illustré. Hein, et avec de belles photos et de vieilles photos. Voilà, donc énormément d'illustrations dans cet ouvrage. On a compris que vous avez quelques défis devant vous, là, notamment avec cette ELA4, avec cette envie de moderniser, de numéroser, de numériser, de robotiser également, avec aussi cette oui, ELA4, évidemment, qui va arriver, avec ce grand carénage et qu'il va falloir mener à bien tout en continuant les opérations, ce qui, je suppose, ne va pas être évident. Bref, on voit bien que là, le CSG est en train de muer vers un nouveau CSG, le CSG-NG, et voilà... pour se mettre à niveau finalement dans cette nouvelle course, cette nouvelle étape dans la conquête de l'espace. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous raconter cela. Bernard Azéma et Pierre Guilhem, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous et merci à tous. Et donc, on se retrouve mardi 20 novembre pour Bepi Colombo, qui va, on l'espère, lever le voile sur Mercure. À bientôt, à dans un mois. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.